Chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre place. Je vais procéder à l'appel nominal. Vous proposez d'adopter le PV du 26 juin et ensuite céder la parole à Patrice Bessac pour la présentation du rapport d'activité d'Est Ensemble. Tony Di Martino, présent. Cédric Pape, présent. Elham Chahir, Édouard de Noël, Émilie Trigot, Vassin Doucissé, Jean-Guy Biro a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, Hissène Ounissi a donné pouvoir, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akour, Merle Anne-Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle a donné pouvoir à Grégoire de la Gannerie, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille a donné pouvoir à Edith Félix, Yalana Dinom a donné pouvoir, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin a donné pouvoir à Édouard de Noël, Mariem Diop, Kaline Tribic, Amit Chahir, Mamadou Sila, État Est Ensemble Habitat, il arrive, Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt a donné pouvoir à Cédric Pape, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, présent. Angine Desbordes-Silly, Solène Lebouris a donné pouvoir à Mojenan, Anne Norgui et Denis Barjot. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques sur le précédent PV? Donc, qui est pour? Qui est contre? Oui? Juste pour vous remercier d'avoir indiqué les noms des personnes et des votes, hein, pour les votes, ça serait bien d'indiquer aussi les noms des pouvoirs et de la répartition. Très bien. Voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Patrice Bessac, tu as la parole pour le rapport d'activité d'Est Ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le maire, cher Tony, chers collègues. Il m'a été proposé, comme dans d'autres conseils municipaux, de venir présenter le rapport d'activité d'Est Ensemble, ce que je vais faire devant vous. Peut-être commencer par un portrait d'Est Ensemble. Je ne sais pas si vous avez le PowerPoint. Dans un instant. D'un mot, vous présenter Est Ensemble, souligner quelques traits du territoire. D'abord, on a le territoire à plus forte croissance démographique, avec 1% sur la période 2016-2022 contre 0,2% pour la MGP. Un territoire attractif avec une croissance d'emploi importante au cours de la même période, plus 6,6% entre 2010 et 2021 contre 4,6% pour la MGP, avec toutefois un élément qui doit continuer à nous faire réfléchir et surtout travailler, c'est que la plupart des emplois créés sur le territoire ne sont pas occupés par des gens du territoire. Et il y a là évidemment un sujet à travailler, notamment du point de vue de la formation des plus jeunes d'entre nous. C'est un territoire dense, urbain, j'aurai l'occasion d'y revenir, notamment sur la question de la place des espaces verts et des espaces végétalisés, dont on sait, après notamment les nombreux rapports de l'Organisation mondiale de la santé, qu'elles sont un vecteur fondamental de la santé pour les habitantes et les habitants. Enfin, vous le savez et vous le connaissez notamment pour Bagnolet, c'est un territoire populaire où 40% des habitantes et des habitants vivent en quartier politique de la ville, à rapprocher des 16% à l'échelle de la MGP. C'est enfin un territoire à transformation avec autour de 5% des espaces urbanisés transformés entre 2012 et 2021 au profit de l'habitat collectif. Sur la slide suivante, vous avez les compétences de l'établissement public territorial. Je précise quelque chose qui est parfois pas facilement compréhensible, ni pour les habitantes et les habitants, ni pour les élus municipaux. Est Ensemble n'a pas ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Donc nous agissons que sur des sujets sur lesquels soit la loi, soit les villes nous ont déléguer la capacité d'agir. Nous n'avons pas, comme les villes, la capacité d'agir sur l'ensemble des domaines. Et vous le voyez, nos domaines principaux sont emploi et économie, culture, habitat et renouvellement urbain, aménagement, on y reviendra, sport avec notamment les piscines, vous connaissez le sujet, la politique de la ville, les déchets, l'eau et l'assainissement et la nature en ville. Je vais à présent faire un compte-rendu des actions principales autour de quelques grands items. Le premier, c'est agir pour une ville mixte. Il y a un engagement fondamental de la collectivité à travers les opérations d'aménagement et les opérations de renouvellement urbain au service de la réparation du territoire et des conditions d'habitat. Vous avez là sur la carte les 8 opérations d'aménagement sur lesquelles nous sommes engagés, 5 études urbaines et plusieurs centralités, le pont de Bondy, l'aménagement des abords du T1 et pour ce qui vous concerne plus particulièrement à Bagnolet, le plan guide de la porte de Bagnolet avec le rôle actif qu'a joué cet ensemble aux côtés de la ville de Bagnolet pour sortir du statu quo avec l'État sur la question de l'avenir de la porte de Bagnolet et engager une réflexion. Ça a donné, c'est la slide suivante, une étude urbaine avec une concertation préalable et un plan guide sur l'enfouissement de l'échangeur autoroutier. Comme premier effort de notre part. À la suite de ça, nous avons engagé l'État dans un projet partenarial d'aménagement qui est une manière un peu juridique et un peu compliquée de dire que l'État est venu à la table pour discuter de l'avenir de la porte de Bagnolet dans lequel il a naturellement la principale responsabilité, une étude d'impact sur les questions de santé et une ambition sur ce travail qui a été étendue au secteur Gallieni-République. On peut dire également sur le bilan de l'activité d'Est Ensemble qu'il y a eu le choix d'une régulation publique renforcée en matière de logement, avec notamment la création d'un office public territorial, c'est la création d'Est Ensemble Habitat, qui favorise la gestion de 26 000 logements sociaux et permet d'investir sur la période 23-31 autour de 850 millions d'euros, notamment dans la rénovation thermique des logements. Et c'est le déploiement de l'encadrement des loyers dès 2021, ainsi que la création d'un office foncier solidaire permettant notamment de développer des opérations en bail réel solidaire permettant, vous le savez, de faire en quelque sorte un allègement dans l'achat du prix des fonciers et de faire en sorte que le foncier reste de nature publique. Nous avons également travaillé sur les sujets de transport et de mobilité. Vous savez qu'un des problèmes de la construction des réseaux cyclables, notamment, c'est leur interconnexion ville après ville. Nous avons considéré qu'il était de notre responsabilité de travailler à une carte commune reliée au grand réseau de vélos existant, permettant aux villes d'avoir une maquette commune, en quelque sorte, et une planification commune de l'effort en faveur du vélo. Je signale également le fait que nous avons joué un rôle très actif sur la réforme des chantiers de bus, liés notamment à l'arrivée de la ligne 11 sur le territoire, permettant d'anticiper ce passage et d'améliorer le service pour les habitantes et les habitants. Point suivant, sur les sujets de développement économique et solidaire, de développement économique, pardon, au service de la transition sociale, écologique et sociale. Je veux dire qu'il y a une identité très forte de notre territoire en matière d'économie sociale et solidaire et de politique du réemploi, due à un engagement historique fort à la fois de notre communauté locale et aussi des partenaires publics, et que nous avons essayé de mettre en cohérence et de poursuivre ce développement. C'est les différents fonds qui ont été créés, le fonds quartier, le fonds impact, le fonds zéro déchet, le système Tempo, et le ciblage du financement sur des activités productives, sur des activités de réemploi ou à fort potentiel d'emploi. Il y a à Bagnolet 8 structures de l'ESS qui ont été financées à hauteur de 110 000 euros par le fonds à impact, et nous avons pas à pas développé de nouveaux espaces en faisant un choix économique très fort qui est d'acheter du foncier économique pour le rendre à l'activité de réemploi d'économie sociale ou à l'activité économique tout court, notamment avec la création de l'usine des transitions à Romainville et à Noisy-le-Sec qui permet à 19 structures du BTP, de la culture, de l'alimentation, du réemploi de développer leur activité, les ateliers d'hydro à Pantin, et vous avez l'AMI Body One qui offre de nouvelles perspectives pour Bagnolet avec la foncière solidaire base commune, acquisition de nouveaux locaux d'activité à l'ANOU pour maîtriser les prix et permettre l'installation d'activités adaptées dans le quartier. La livraison est prévue au printemps 2026. La deuxième grande tête de chapitre que je voulais vous partager, c'est ce qui concerne la nature en ville et le climat, en commençant par ce qui a été l'initiation de ce travail, la Convention citoyenne pour le climat de 2021, où une centaine de citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité de notre territoire, ont travaillé pendant plusieurs mois à l'élaboration de nos propositions en faveur du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique, avec une boussole issue de cette convention citoyenne et puis de notre décision politique. Comment garantir durablement l'accès à 10 mètres carrés d'espace vert à tous les habitantes et les habitants de notre territoire. Vous le voyez là, vous avez deux cartes. Une première carte qui, en 2023, a permis de voir les lieux de vulnérabilité de notre territoire aux fortes chaleurs. Sans surprise, c'est les territoires les plus urbanisés, les plus proches du périphérique, qui sont les plus vulnérables. Et vous avez la deuxième carte, la carte de la nature en ville à Est Ensemble, où vous pouvez, en vous imaginant cette carte, s'imaginer qu'il faudrait quasiment doubler les espaces verts à l'échelle du territoire pour être au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Comment faire, du coup? Nous avons lancé une priorité de renaturation avec le plan arbre, qui est parti d'un constat très simple, qui était que c'était souvent difficile pour les villes de financer dans de bonnes conditions les plantations d'arbres, puisque planter un arbre en zone urbaine dense, ça n'est pas juste planter un arbre, c'est parfois dérouter des réseaux, c'est techniquement construire une fosse. Enfin bref, c'est un coût qui peut être important en reste à charge pour les villes. Et donc, Est Ensemble engage un principe qui est zéro reste à charge pour les villes, de manière à susciter un mouvement sur ce sujet. Sur la première saison, 8163 arbres ont été plantés, 573 plantés à Bagnolet, avec plus de 265 pour la prévision de la saison 4. Deuxième grand volet, c'est le volet grand chemin. Le volet grand chemin qui est parti d'une remarque toute simple, qui est que quand on a aussi peu d'espace disponible, il faut donc inventer des solutions pour en dégager de nouveau. Et la manière dont nous avons essayé de résoudre ce problème, c'est du coup, en reliant les grands parcs d'Est Ensemble, créer au moins une vingtaine de kilomètres dans la phase 1 de rues végétalisées dans lesquelles l'espace végétalisé est dominant dans la construction de ces voies. Une végétalisation massive, une désimperméabilisation accrue, une gestion optimisée de l'eau en milieu urbain dense. Vous avez vu à Bagnolet la finalisation de la phase 1 de ce grand chemin et nous lancerons la phase 2 à partir d'avril 26. Enfin, il y a une... faut m'excuser, j'ai un... Enfin, il y a une démarche à travers une étude et un plaidoyer renaturation qui a été lancé, qui a été traduit dans le plan local d'urbanisme, permettant d'identifier les espaces prioritaires à renaturer. Vous savez, on a souvent fait une déclaration qui est de dire il faut plus, mais on ne s'est jamais posé la question de manière systématique. Comment le faire? C'est-à-dire, ça signifie quoi quand on regarde année après année à la fois les disparitions d'espaces verts, les urbanisations à venir, les habitants en plus et donc les capacités nouvelles à construire. On l'a fait, on a modélisé sur les 20 prochaines années l'avenir du territoire d'Est Ensemble et on a essayé d'appliquer un plan de marche année après année en termes de mètres carrés nouveaux à dégager. C'est à présent un sujet d'investissement dont devra se saisir le prochain exécutif d'Est Ensemble. Un volet de notre action qui vous concerne moins, c'est la gestion des parcs, Bondy, Beaumont, Guillaume, qui vous concerne plus la rénovation énergétique. Ça, c'est quasiment invisible pour les conseillers municipaux et les habitantes et les habitants, mais Est Ensemble est très actif sur l'accompagnement, sur la rénovation de l'habitat dans le cadre du pacte territorial que nous avons signé avec la MGP. On sait que pour nos habitantes et pour nos habitants, ça va être un sujet majeur que la rénovation thermique pour les factures l'hiver et pour la chaleur l'été. Et nous sommes engagés pour les énergies renouvelables et notamment la production géothermique dans lequel Est Ensemble soutient plusieurs espaces de géothermie. Ensuite, agir pour la justice sociale, peut-être signaler, comme je l'avais dit, qu'il y a à la fois une croissance forte à l'échelle du territoire, mais qu'on est toujours sur des taux de chômage très élevés, 16% sur le territoire contre 12% à l'échelle de la MGP et avec un focus particulier, c'est la slide suivante, sur les plus jeunes d'entre nous puisqu'il atteint 29% pour les moins de 25 ans. Nous sommes engagés avec notamment les maisons de l'emploi qui sont des espaces ressources que vous connaissez bien aux côtés de la mission locale. Nous avons renouvelé également notre action en faveur des clauses sociales permettant par l'accès au marché public de faciliter l'accès à l'insertion. Et enfin, trois territoires ont été habilités dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur dont Bagnolet. Trois entreprises à but d'emploi ont été créées, comme Cap, comme nous, 24 salariés, créés à Bagnolet depuis 2023. Il y a là un enjeu d'avenir, à la fois parce que ces structures sont en train de monter en puissance, et également parce qu'elles sont, ça fait partie des dispositifs qui sont en risque au plan national. Et donc, comme territoire, nous sommes très engagés pour obtenir le fait que à la suite de l'expérimentation du territoire zéro chômeur, l'État pérennise ces dispositifs dont la Cour des comptes, et c'est assez rare, a, dans un rapport récent, noté l'extrême efficacité du point de vue du retour à l'emploi. Peut-être dire que Est Ensemble, par ses compétences, administre également le contrat de ville. Il y a 59 porteurs de projets bagnoletés, dont 51 associations qui sont financées pour 519 000 euros en 2025 sur le programme de cohésion sociale. C'est un partenariat que nous avons avec les villes, naturellement, pour l'instruction et le travail sur les projets de contrat de ville, mais qu'au sens de la loi, nous administrons. Enfin, Est Ensemble est le maître d'ouvrage du renouvellement urbain. Il y a 12 projets de renouvellement urbain dans 8 communes, dont la plupart sont entrées en phase opérationnelle. C'est au total 127 millions d'euros investis pour le PRU Lannou-Malassis à Bagnolet, avec deux interventions sur des dalles complexes, la réhabilitation de 262 logements sociaux sur les deux périmètres, le relogement à travers la charte territoriale et l'articulation avec les outils d'amélioration de l'habitat privé. Et je pense là particulièrement au plan de sauvegarde pour les copropriétés à Lannou. C'est également des équipements publics, des équipements structurants, en particulier le pôle sportif, dont les travaux sont en passe de s'achever autour de la piscine qui a été reconstruite, ainsi que de la salle de lutte et du terrain, et des équipements de sportifs de proximité à Lannou, la promenade multisport Jean Moulin au Guilan. Je veux indiquer que avec Pleine Commune Habitat, nous sommes un des deux territoire à l'échelle nationale dans lequel il y a le plus d'intensité en matière de renouvellement urbain. Et ceci aussi pour une raison historique, c'est que nous sommes sur des territoires qui, historiquement, ont fait le choix du logement social. Peut-être indiquer également qu'il y a une intervention significative d'Est Ensemble en matière d'amélioration de l'habitat privé. Sur Bagnolet, vous avez la requalification du quartier des Coutures, avec, vous le savez, le renouvellement de l'offre de logement tout en conservant le seuil de 35% de logements sociaux. C'est également les plans de sauvegarde en lien avec le PRU sur les copropriétés de Lannou. Et à l'échelle du territoire, nous avons un traitement d'un certain nombre de copropriétés fragiles, voire en situation de profonde déficience qui permet d'accompagner les propriétaires dans la requalification de ces immeubles. Enfin, c'est la création au cours du mandat d'eau publique par Est Ensemble, qui a été créée au 1er janvier 2024, avec une tarification sociale et solidaire à un peu moins de 45 000 abonnés, collecte des eaux usées. C'est un prix de l'eau potable plus juste et plus solidaire, la suppression de l'abonnement, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau nécessaires à la vie, l'instauration d'une progressivité encourageant à économiser l'eau. Dans l'étude, au bout d'un an de facturation que nous avons faite, nous avons eu le plaisir de voir que nous étions dans l'axe des annonces que nous avions faites, c'est-à-dire qu'il y avait eu une réduction nette de la part eau de la facture pour toutes les familles dans le cadre de cette construction de ce nouveau service public. Je suppose que vous avez eu ici l'occasion d'entretiens fréquents sur les sujets de l'eau. Je veux dire que nous déployons des fontaines sur l'ensemble du territoire dans le cadre de cette de cette régie publique. Je veux dire également que sur le plan de l'investissement sur les réseaux, nous avons également, au cours de la première année, montré que le service public était plus vertueux que la gestion précédente, puisque nous avons d'ores et déjà rempli nos objectifs en matière d'investissement, même si il faut naturellement aller plus loin. Enfin, je veux dire ce que nous faisons en matière de culture et de loisirs. Est ensemble, c'est 13 bibliothèques, 8 conservatoires, 5 cinémas publics, 11 piscines. Peut-être signaler sur le sujet de l'accès à la culture et des événements sportifs. D'abord, cette toute petite chose qui a été l'envoi des cartes de bibliothèque à l'ensemble des enfants passant en maternelle. Toute petite chose, mais qui a permis de gagner plusieurs milliers de jeunes lectrices et de jeunes lecteurs à l'échelle du territoire. Or, vous le savez, plus on fréquente tôt une bibliothèque, plus on fréquente tôt les symboles, les récits, les livres, plus les enfants auront la possibilité de mieux grandir et de réussir à la fois sur le plan scolaire et puis sur le plan de leur vie personnelle. Cette augmentation de fréquentation touche en particulier les familles populaires. Notre analyse était qu'un certain nombre de familles pensaient peut-être qu'il fallait amener un justificatif de domicile, payer, bref, que l'accès à la bibliothèque serait compliqué. En envoyant directement la carte de bibliothèque, on a massivement permis à des enfants de fréquenter nos établissements. Peut-être signaler une des spécificités du conservatoire d'Éric Satie de Bagnolet, dont vous savez qu'il est prévu en termes de reconstruction. Sa spécificité, c'est que c'est le conservatoire qui, du fait de sa localisation, a le recrutement le plus mixte et le plus populaire du territoire d'Est-Ensemble. Et c'est en train de nous aspirer pour la politique de développement des conservatoires, notamment pour développer des classes aménagées, délocalisées par rapport aux antennes principales des conservatoires situés dans les autres communes. Les conservatoires et les bibliothèques, comme les cinémas, ont profité à plein de la logique de réseau. C'est des professionnels qui travaillent ensemble et qui, du coup, travaille à des dynamiques communes. Je vous signale la cité des Marmots, un cœur de 500 enfants issus majoritairement d'écoles en réseau d'éducation populaire, dont deux classes de Bagnolet qui s'est produit au Théâtre du Châtelet. Je vous indique également le projet Demos ou encore le festival de danse urbaine Boost qui a pris ses premiers pas à l'échelle de notre territoire. Je vous ai déjà parlé des bibliothèques, donc je ne vais pas vous en parler plus. Peut-être sur le sujet du cinéma, dire que nous sommes le seul réseau de France à voir le nombre de ses spectateurs et de ses spectatrices augmenter dans un moment où la fréquentation du cinéma est plutôt en baisse à l'échelle nationale, et ce, à mon avis, pour une raison fondamentale, c'est le choix fait de l'aller vers les publics, que ce soit les publics scolaires ou l'initiative de nombreuses séances dans lesquelles le public a l'occasion de rencontrer réalisateurs, metteurs en scène, producteurs ou comédiens. Peut-être dire également que nous avons intégrer la programmation cinéma au bel été d'Est Ensemble, avec 36 séances de cinéma en plein air sur tout le territoire d'Est Ensemble. C'est Bagnolet qui a eu cette année la séance inaugurale. Et c'est une politique, comme d'ailleurs la politique du livre, que nous voulons continuer de développer dans une logique d'aller vers, aller dans les endroits où les gens, où les familles sont, de manière à apporter le livre, le cinéma et un accès facilité à la culture. Un petit focus sur les sujets de piscine. Vous confirmez donc que la nouvelle piscine est bien prévue en ouverture pour 26-27. Le bassin sportif, le bassin d'apprentissage de 150 mètres carrés, le splash pad de 50 mètres carrés, le solarium et les jeux d'eau en extérieur. C'est un coût total estimé de 20 millions d'euros. Ce choix que nous faisons sur les piscines s'accompagne d'une réflexion nouvelle sur le savoir nager. Vous savez que nous sommes des territoires sur lesquels, historiquement, il y a une part importante de notre population qui, au sortir de leur scolarité, n'accède pas à la capacité de nager ou même d'être à l'aise dans l'eau. On le sait, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage massé de la natation qui permet aux enfants d'apprendre le plus rapidement. En clair, les stages regroupés. C'est pour ça que nous avons proposé aux établissements scolaires de plus en plus de regrouper l'apprentissage de la natation plutôt qu'elle soit perlée au cours de l'année. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons lancé un nouveau programme qui s'appelle Classe Bleue et qui est l'idée d'amener nos enfants et en priorité les enfants issus de l'éducation prioritaire et des quartiers populaires dans un stage d'une semaine consacré à l'apprentissage de la natation dans une des stations d'eau vive qui sont immédiatement à proximité, à moins d'une demi-heure en bus de Bagnolet ou de Montreuil. Et notre projet est d'étendre progressivement ce dispositif à l'ensemble de nos villes. Enfin, dernier mot sur l'économie circulaire et la réduction des déchets. peut-être dire le pôle d'excellence en économie circulaire à Romainville qui est en train d'être créé à côté du lieu de retraitement de nos déchets et de l'usine du Sictom, avec l'idée du coup que juste à côté de l'usine du Sictom où sont amenés la plupart des déchets que nous produisons sur le territoire, se tienne un espace qui soit consacré à la revalorisation de ces déchets. C'est tout comme le village du réemploi à Montreuil, un des lieux les plus ambitieux de France, actuellement en cours de construction. À travers le fonds Zéro Déchet, nous avons financé un certain nombre d'associations et d'organisations présentes sur le territoire, notamment les recycleries, les collecteries et un certain nombre d'autres acteurs de l'économie du partage. Nous avons également réorganisé la collecte des déchets. Les déchets sont un problème récurrent à l'échelle de notre territoire. D'abord, on est parti d'un constat un peu basique, c'est que souvent, le samedi et le dimanche, les gens qui vident leur maison, leur grenier, que sais-je, déposés sur les trottoirs et qu'il n'y avait pas de ramassage le samedi et le dimanche, autre qu'anecdotique. Et donc, nous avons réorganisé nos tournées pour tenir compte des jours sur lesquels les gens déposent le plus, et notamment le samedi et le dimanche. Ça a été la première étape qui a été le renforcement du service. Deuxième étape, avec la mise en place du ramassage des encombrants tous les lundis sur tout le territoire chaque semaine, permettant d'avoir quelque chose d'identifié aux yeux des habitantes et des habitants. Vous vous rappelez l'époque où nos quartiers étaient découpés en plein de cartes qui étaient difficilement compréhensibles. Nous avons désormais un système clair. Deuxième étape. Troisième étape, la mise en œuvre d'une nouvelle répartition et la collecte des déchets putrescibles qui ont commencé d'abord sur quelque chose d'invisible pour le grand nombre, sur la restauration collective et les grands lieux de restauration collective du territoire, qui nous a permis de gagner des tonnes de déchets recyclés. Et dans une deuxième étape, pour les habitantes et pour les habitants, vous vous rappelez avec ces boîtes marron qui sont désormais en point d'apport volontaire sur une partie du territoire. Et nous avons, et je veux remercier le maire et les services de la ville de Bagnolet, nous avons également rapproché les villes du territoire sur le travail opérationnel. C'était un des grandes difficultés. Les équipes se parlaient peu et ça avait des conséquences pour le travail quotidien. Merci de votre attention. C'est une chose difficile que de résumer un si large sujet en quelques mots. J'espère que ma présentation vous aura été utile. Merci, Patrick. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, chers collègues? Monsieur Vionnet. Oui, bonsoir. Comme la présentation a été très exhaustive, je serai bref au nom du groupe d'opposition. Bon, tout d'abord, pour vous remercier, Monsieur le Président, de votre présence pour la première fois de la mandature dans cette Assemblée, qui est une présence qui nous fait tout à fait plaisir, et je pense que c'est partagé au-delà des rangs de notre groupe. On voit bien, en effet, que cet ensemble est aujourd'hui très présente dans la vie quotidienne des Bagnoletaires. Je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit à travers les déchets, à travers la gestion de multiples équipements. D'ailleurs, y compris, vous vous êtes attardé sur le conservatoire des équipements qui sont des héritages majeurs du communisme municipal à Bagnolet sont aujourd'hui portés par Est Ensemble. Et c'est sûr que c'est le cas, par exemple, du conservatoire, y compris dans son ancrage dans le quartier et dans son lien historique avec le centre social et culturel Pablo Neruda. Et on voit aussi qu'en matière de travaux, aujourd'hui, les chantiers les plus visibles dans la ville, que ce soit la piscine, que ce soit le grand chemin ou que ce soit le plan arbre, sont des travaux portés par Est Ensemble. Et du coup, nous, on est résolument dans une logique intercommunaliste, parce que je pense que nationalement, y compris chez les élus locaux, quelquefois, il y a des fois des polémiques entre le niveau communal et le niveau intercommunal. Moi, je crois assez à cette idée qu'il y a un bloc communal qui inclut niveau intercommunal et niveau communal qui ont vocation à travailler ensemble de manière extrêmement rapprochée. Et en ce qui concerne plus particulièrement Bagnolet, moi, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois depuis 2020 dans cette Assemblée. Je pense que dans cette ville, qui a y compris des difficultés financières qu'on connaît tous, une grande partie des solutions pour l'avenir de Bagnolet, elles sont à construire évidemment avec Est Ensemble, mais aussi avec les autres niveaux de collectivités, métropoles, départements, etc., et aussi avec les villes voisines, notamment Paris, avec qui il y a sans aucun doute des coopérations à renforcer. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on se félicitait de votre présence et de la présentation que vous avez pu faire. Mohamed. Merci, Monsieur le maire. Merci, Patrice, pour cette présentation. En tant que militant politique et en tant qu'élu, si je devais citer un exemple de travail accompli ces dernières années, je parlerai sans hésiter d'Est Ensemble. Parce que ce territoire incarne ce que peut produire la coopération entre neuf villes unies par un même engagement, agir pour le quotidien et préparer l'avenir. Depuis 2020, Est Ensemble a fait la démonstration que notre manière de penser et de conduire l'action publique est possible. Une écologie populaire, concrète, qui améliore la vie de toutes et tous. Une écologie qui plante 8000 arbres, qui végétalise les écoles et les cours, qui crée une régie publique de l'eau pour garantir un accès équitable à un bien vital. Une écologie qui réduit les inégalités environnementales et remet le vivant au cœur de nos villes. Parce que oui, le territoire d'Est Ensemble, le plus dense de la métropole après Paris, mais aussi le moins doté en espace vert, à peine 6 mètres carrés par habitant, soit deux fois moins que la moyenne régionale, l'urgence climatique n'est pas un slogan, c'est une réalité sociale. Et c'est une réalité là, et c'est cette réalité-là qu'Est Ensemble affronte, pas avec des discours, mais avec des actes. Ce territoire fait la preuve qu'il n'y a pas de justice sociale sans justice climatique et qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. Les deux avancent ensemble et ne progressent pas du tout. Protéger le climat, c'est protéger les plus fragiles. Réintroduire la nature dans la ville, c'est redonner de la dignité et du bien-être à chacun. Lutter contre les pollutions, c'est lutter contre les inégalités. Est-ce ensemble agir sur tous les fronts ? L'eau, l'air, la nature, la culture, le sport, la solidarité. Des milliers d'habitantes et d'habitants bénéficient chaque année d'équipements de projets, de services qui font vivre une véritable émancipation collective. C'est la preuve qu'un territoire populaire, vivant, créatif, peut être aussi un territoire pionnier de la transition écologique et sociale. Alors oui, si je devais citer un exemple de ce que l'action publique peut réussir quand elle se fonde sur la solidarité, la coopération et la justice, je citerai cet ensemble. Parce que c'est ici que s'invente une manière de faire qui remet le vivant et l'humain au cœur de nos vies. Alors merci à son président, mon camarade Patrice, et à toutes les équipes d'Est Ensemble, élus et agents, qui font vivre au quotidien cet esprit de solidarité, de fraternité et de service public qui est au cœur de notre engagement. Merci Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Madame. Merci Monsieur le maire, Monsieur le président, mesdames et messieurs. Donc il y a en effet beaucoup à dire sur les actions portées par Est Ensemble et son administration. Et notamment les actions et les plaidoyers sur les mobilités et les déplacements. Je pense au plaidoyer aussi sur les autoroutes que vous n'avez pas mentionné. Mais si je n'en dois relever qu'une seule, moi je dirais le projet du Grand Chemin est emblématique de notre territoire, de sa conférence sur le climat et rend en effet aux habitants des espaces désimperméabilisés pour marcher. Voilà. Le territoire possède des compétences qui ne sont pas inscrites dans le rapport parce qu'elles ont des personnalités juridiques propres. C'est le cas de la Régie publique de l'eau que vous avez mentionné, mais c'est aussi le cas d'Est Ensemble Habitat. La cité du 82 rue Anatole France est la plus ancienne résidence d'habitat social de Bagnolet. Elle fait l'objet d'un projet de réaménagement et de rénovation. Ce projet a été présenté dans une réunion publique en janvier cette année. Et lors de cette réunion, les habitantes et les habitants de la résidence ont fait part de leur profonde détresse concernant l'état de leur logement, des plafonds qui s'effondrent, des moisissures, des fenêtres qui se décrochent, pas de porte aux cages d'escalier. Alors, il a été affirmé lors de la réunion par Est Ensemble Habitat, d'une part, qu'un canal de communication serait ouvert entre les habitants et les services, et d'autre part, que des travaux de reprise serait effectué dans l'été pour permettre aux résidents d'attendre les gros travaux de rénovation. Il s'avère que quelques visites de famille ont été réalisées, mais aucun des travaux n'ont été réalisés cet été. Le calendrier n'est pas respecté. Certaines familles demandent un relogement et on leur répond qu'ils sont inéligibles. Les familles sont bloquées là. Elles vont à nouveau affronter un hiver dans un environnement qui est une passoire thermique. Il faut faire quelque chose. Par ailleurs, suite au premier retour sur le projet de réaménagement, des évolutions devaient être portées au projet initial et nous pensons que de nouvelles concertations doivent être menées sans délai. D'autres interventions ? Monsieur Denoy. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président, alors je voulais effectivement évoquer la manière dont avait démarré le mandat des conseillers d'Est Ensemble de manière innovante avec la Convention citoyenne sur le climat, les 100 citoyennes et citoyens tirés au sort, les plus de 200, peut-être 250 même propositions concrètes qui ont été apportées dans le plan climat air énergie territorial en 2024. Et cette volonté d'innover, effectivement, est à soulever. Le deuxième élément qu'on voulait soulever, membres de notre groupe, c'est les actions nombreuses visibles qui ont été faites, innovantes aussi, et on en a parlé, je le redis, le Grand Chemin, qui est quand même un axe structurant de ce mandat, dans les neuf villes, singulièrement à Bagnolet, avec une logique de rafraîchissement de la ville, d'apaisement urbain, apaisement salutaire, surtout quand, parfois, localement, on peine à le faire. Je vais passer rapidement sur d'autres éléments des politiques publiques qui sont portées par le PT, que je voulais évoquer, mais beaucoup a été dit sur la Régie publique de l'eau, sur le renouvellement urbain. beaucoup de politiques publiques à impact positif. Je voudrais, cela dit, en évoquer deux qui sont, dirons-nous, des pistes d'amélioration. Alors, vous parliez de l'exécutif suivant, mais cet exécutif est encore là pour quelques mois. Évoquer d'abord la compétence déchets, encombrant, déchets spéciaux, collecte des corbeilles de rue. Il nous semble que pour cette partie de la propreté urbaine qui incombe à Est Ensemble, il y a des marges d'amélioration clairement identifiables. Lorsque la collectivité avait opéré le transfert en 2011, il y a 13 EPT qui étaient partis à Est Ensemble. Il nous semble aujourd'hui que, en termes de qualité de service, le compte n'y est pas encore. Et puis, insister peut-être plus singulièrement sur le logement. Alors, Edith Félix parlait là du 82, mais plus largement sur Est Ensemble Habitat. C'est peut-être là que les retours des citoyennes et citoyens bagnoletaises, bagnoletais sont nombreux, les plus critiques, et qui évoquent surtout des éléments qui convergent sur l'éloignement d'Est Ensemble Habitat, sur le manque de communication, sur le manque de personnel, sur la difficulté à obtenir des réponses. On a été sollicité sur un certain nombre de sujets, ascenseurs, difficulté à récupérer les cautions pour les locataires, parfois dans des délais qui dépassent d'ailleurs les délais prescrits par la loi, pour le manque d'entretien des communs, enfin une litanie de récriminations qui invite à repenser la notion de proximité et de réponse que Est Ensemble Habitat peut apporter à l'ensemble des locataires du parc social. Il est clair que sur le volet rénovation, il y a un travail conséquent qui a été mené sur le quotidien des locataires. Il semble qu'avec cet éloignement soit vécue aussi une dégradation du service. Je vous remercie. Juste avant que Patrice ne réponde sur les questions qui concernent Est Ensemble Habitat, quelques mots à Edith Félix, qui est bien placé pour savoir qu'il y a quelques années, le projet de démolition-reconstruction de la cité Anatole France n'a pas pu voir le jour, puisqu'un certain nombre d'habitants s'étaient mobilisés contre la démolition de la cité Anatole France et que nous avions travaillé un programme de réhabilitation et de démolition-reconstruction. Une réunion publique a effectivement eu lieu il y a quelques mois, une autre aura lieu d'ici la fin de l'année. Des études de structure ont été menées cet été par Est Ensemble Habitat en lien avec la ville. Et les études de structure montrent qu'il va falloir intervenir de manière encore plus lourde que nous envisagions de le faire jusqu'ici. Donc le travail se poursuit et nous allons retourner devant les habitants au plus vite, sachant que, contrairement à ce qui a été dit, les familles qui devaient être relogées ont été relogées cet été. Je pense par exemple à une famille qui était dans un T3, qui a été relogée dans un T2 et dans un T1 rue du Moulin, encore récemment dans le cadre des commissions d'attribution que nous menons avec Est Ensemble Habitat. Donc il s'agit d'un travail sérieux qui nécessitera des interventions très lourdes sur le site, puisqu'aujourd'hui, le bâti est encore plus abîmé que nous pouvions l'imaginer jusqu'ici. Patrice. Quelques remarques seulement. D'abord, pour vous remercier, chers collègues, des mots gentils prononcés à l'endroit de l'activité d'Est Ensemble. Même si, étant maire moi-même, comme vous le savez, je sais que les compétences d'Est Ensemble, par elles-mêmes, favorisent sur un certain nombre de sujets, les bibliothèques, les écoles, la rénovation urbaine, par leur nature stratégique et de grands travaux, de la satisfaction quand c'est bien mené, quand le terrain ultra-local, qui est le terrain communal, est par définition affronte l'ampleur des difficultés qu'a à connaître notre société et nos villes. Mais merci tout de même pour les mots de reconnaissance du travail accompli par l'équipe. sur les questions qui ont été posées, notamment sur les pistes d'amélioration. D'abord sur la compétence déchets et notamment sur la question des tasses sauvages. Je pense que la modification essentielle de la structure du ramassage a permis partout, comme à Bagnolet, de baisser. La modification essentielle de la structure de ramassage, c'est-à-dire le lundi tout le temps, et le renforcement des équipes dans la semaine, mais surtout le week-end, qui était un lieu de désastre un peu massif dans nombre de nos villes sur le ramassage des encombrants, ce que ça n'est plus avec l'ampleur massive que ça avait. Pour autant, moi, je veux vous dire ma conviction que sur l'état sauvage comme sur les déchets en général, on ne s'en sortira durablement sans une politique massive de verbalisation. Montreuil, il y a quelques semaines, des dizaines de kilos de déchets d'animaux morts, pourris, déposés sur nos trottoirs. La personne a été poursuivie, 10 000 euros d'amende. Je pense qu'elle y réfléchira à deux fois avant de revenir. On a sur nos territoires régulièrement de l'amiante, des déchets d'hôpitaux, des déchets de chantier naturellement qui sont déposés. Et jusqu'à récemment, la loi ne permettait pas aux villes de verbaliser dans de bonnes conditions. Nous avons contribué à changer la loi. Il y a désormais ce qu'on appelle les amendes administratives. Ça commence à se développer à l'échelle du territoire et on en voit les résultats. Je plaiderai auprès du Parlement dans la phase suivante, si on a l'occasion d'un véhicule parlementaire, pour qu'on étende la compétence de verbalisation aux intercommunalités afin de profiter à plein du résultat qu'on est en droit d'attendre sur la question de la propreté. Et je vous assure que très rapidement, après deux ou trois amendes à 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros selon les infractions, les gens modifient radicalement leur comportement ou vont ailleurs. Bien noté sur ce sujet. Et deuxièmement, sur le sujet de la proximité à cet ensemble Habitat, j'aimerais faire deux remarques. D'abord, dire que la période de la fusion entre les différents organismes a été une période compliquée. Nous le voyons aussi sur Au Public par cet ensemble. Le moment où on est passé de la gestion privée à la gestion publique a été un moment où on a dû, en matière de facturation, en matière de services aux usagers, en matière d'adresse, rattraper d'une certaine manière un retard initial. Et de la même manière, sur Est Ensemble Habitat, nous avons eu ce moment de la fusion qui a été une source claire d'un abaissement de la qualité du service rendu aux gens. Les gens sont en droit d'attendre sur les questions de proximité à une amélioration de leur service. C'est pour ça que Est Ensemble Habitat a créé un centre d'appel à l'échelle d'Est Ensemble Habitat pour que les habitantes et les habitants puissent avoir un interlocuteur, une interlocutrice. Mais c'est surtout à travers ce centre d'appel le traitement de la demande habitant qui est posé, et notamment le fait que Est Ensemble Habitat se dote des outils, du management, du travail suffisant pour que chaque question posée par un locataire appelle une réponse dans un temps. C'est loin d'être fini à l'heure où je vous parle, mais le travail est engagé avec beaucoup de sérieux. Et enfin, sur les ascenseurs, dire simplement que sur ce point, on est face à un problème national. C'est un problème difficile. Je me le suis fait expliquer. Il y a les normes ont beaucoup changé et du coup augmentent le nombre de pannes de nos ascenseurs qui, au moindre décalage, se mettent en panne. Deuxièmement, on a un nombre d'ascenseurs qui réclament, je crois, plus de 5 000 pièces différentes qui du fait de notre engagement historique en faveur du logement social, ont une vétusté très, très différente selon les habitations, et s'ensuit des difficultés importantes pour les habitantes et pour les habitants. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut renforcer pas à pas notre attente de service vis-à-vis des sociétés ascensoristes, et notamment engager à chaque fois que c'est nécessaire la pénalisation nécessaire lorsqu'il y a des ruptures de services non contractuels. Évidemment, en plus du service immédiat aux habitants, je pense au portage de courses et aux aides qu'on peut leur fournir. Je pense avoir répondu aux questions qui étaient posées. Merci Patrice. Bon travaux. Merci beaucoup. Pardon ? Madame, juste ce que pour être plus précis, madame, il y a eu 11 personnes qui ont été expulsées ce matin. Pour les 11 personnes, des solutions de relogement ont été... Pardon. Écoutez, si vous le souhaitez, on vous proposera un rendez-vous pour vous recevoir demain. Non. Madame, 11 personnes. Monsieur. Monsieur, ouais. Voilà. Donc, Monsieur De Noël, Madame, non, je vais vous répondre. Voilà. Donc, Monsieur De Noël vous connaît, et ce matin, pardon, Monsieur, je vous réponds. Si, monsieur, des solutions d'hébergement ont été proposées à vous tous, à tous. Écoutez, on a... Monsieur, on a la liste des hôtels qui ont été proposés. Monsieur, seul. Deux personnes. Oui, on a la liste. Oui. Monsieur, il y a deux personnes ont accepté l'hébergement. Moi, je vous invite à accepter l'hébergement hôtelier qui vous a été proposé ce matin. Les hébergements hôteliers ont été proposés. Si, c'est une solution. Donc, les hébergements hôteliers ont été proposés ce matin. Comme j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire lorsqu'il s'agit d'une femme. Monsieur, on a proposé un hébergement hôtelier à chacun d'entre vous. Voilà. Monsieur, la Soreca qui est propriétaire du bâtiment. Vous a proposé à chacun d'entre vous un hébergement. Par ailleurs, la Soreca. Ah. Donc, la Soreca. Mais, monsieur. Non, vos affaires vont être placées dans un garde-meuble pendant 2 mois. Vos affaires vont être placées dans un garde-meuble pendant 2 mois. Mais monsieur, on a proposé un hébergement hôtelier à chacun d'entre vous. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, puisqu'il y a une femme avec un enfant, le CCAS prendra en charge. Voilà. Hein? Pardon? Monsieur, vous avez. Mais il n'y a pas d'enfant, monsieur. Il n'y a pas d'enfant. Il y a une femme et un enfant. Hein? En fait, ton cabinet. Écoutez. Mais monsieur. Mais monsieur, non mais monsieur, mon cabinet se tient à votre disposition. Il y a une liste de noms avec une liste d'hôtels. Voilà, elle est là. C'est très précis, c'est très détaillé. Non, on va vous les donner à l'extérieur, on ne va pas vous les donner là. Et s'agissant de la femme qui est présente, il y a une dame avec un enfant. Je l'ai dit, je le redis, le CCAS prendra la suite de l'hébergement hôtelier sur les frais du CCAS. Voilà. Ben oui, un hébergement au Pelier. Ouais. Non, il n'y a personne qui est à l'hôpital. Donc voilà, donc si vous voulez. Ben oui. Vas-y. La liste, on la tient à votre disposition. Allez avec monsieur le directeur de cabinet, là. Voilà. Hein? Mais monsieur. On va vous donner la liste, on va vous donner l'adresse. Si vous avez besoin de l'adresse, on va. Monsieur le maire, mais monsieur le maire. Monsieur le maire, je peux prendre la parole. Mohamed, vas-y. S'il vous plaît. Mohamed. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai une proposition à vous faire. Laissez parler. J'ai une proposition à faire rapidement. Je pense qu'il faut qu'on s'en sorte par le haut. Je propose qu'on fasse une interruption de séance et que monsieur le maire reçoive avec le président de groupe une délégation. Très bien. Une délégation pour essayer de trouver une solution pour ce soir. Parce que sinon, comme ça, on ne va pas s'en sortir. Sinon, on ne s'en sort pas. Voilà. Voilà. Très bien. Chers collègues, je vous propose de reprendre. Le déroulé. Il nous faut désigner une secrétaire de séance, donc je propose de désigner Manon Chrétien, qui se marre. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Nous avons deux demandes de prise de parole. Une demande de parole de l'association Sort de Terre de Gilles Amard, s'il est encore là, et une demande de prise de parole de Régis Hébette pour le compte du Théâtre de l'Échangeur et de la Compagnie Publique Chérie. Et je vais vous demander en amont de bien vouloir approuver le rajout d'une délibération concernant l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Publique Chérie, Théâtre de l'Échangeur. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ce point à l'ordre du jour ? Oui, pour, clairement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Régis Hébette, tu as la parole. Non, attends, Régis, il faut un micro. On t'amène un micro, c'est mieux. Je peux y aller ? Vas-y. Ok, donc je redis mes remerciements pour m'avoir donné la parole à l'occasion de ce conseil municipal. J'ai sollicité cette prise de parole, donc pour vous informer de la situation du théâtre L'Échangeur qui est en grand danger de fermeture à brève échéance consécutivement à une baisse de financement du ministère de la Culture. Baisse de financement qui est venue en deux temps, 20 000 euros en 2024 et 60 000 euros dont on a été informé très tardivement. On a eu l'information officieuse mi-avril et l'information officielle mi-mai, donc je vous laisse imaginer une baisse de 60 000 euros. Ça veut dire pour nous un gros déficit sur l'exercice 25. Déficit qui met la structure en péril parce qu'on ne sera pas en mesure d'assumer un tel déficit deux années consécutives. Donc on a sollicité déjà depuis janvier dernier le soutien de la municipalité qui a été très active par l'intermédiaire de son maire et du cabinet, notamment pour essayer de renouer le dialogue avec la DRAC et essayer de rétablir les conditions d'un possible rétablissement du financement. Je souligne qu'on avait eu aussi une baisse de financement du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais que consécutivement à ces échanges et notamment à notre mobilisation depuis le mois de juin, le département a eu la bonne idée de nous rendre cette somme, diminuant ainsi le déficit dans lequel nous sommes. Mais en tout état de cause, il va nous falloir essayer d'être convaincants auprès du ministère. Nous avons un rendez-vous, un comité de suivi, où je sais que le maire de Bagnolet, Tony Di Martino, sera présent personnellement. Et pour nous, c'est très important que la ville manifeste clairement son soutien à ce lieu. Je ne vais pas refaire un grand tour sur ce qu'est l'échangeur. Par contre, je suis vraiment à votre disposition de tous les conseillers municipaux qui le souhaitent pour leur donner d'informations, avoir un échange direct avec eux de façon à ce que vous ayez une connaissance la plus complète possible de la situation. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Merci Régis. Est-ce que des collègues souhaitent intervenir ? Mohamed. Merci Monsieur le maire. Merci Régis pour ta détermination avec tes équipes et tous ceux qui sont autour de toi pour sauver le théâtre de l'échangeur. C'est un combat qu'il faut mener. Et je voulais dire qu'au nom de notre groupe, nous, on apporte tout notre soutien à ce combat et qu'on ne vous lâchera pas. Et je voulais aussi nous féliciter aujourd'hui de la subvention exceptionnelle accordée par la ville au théâtre de l'échangeur. C'est un geste fort un signal politique clair. Alors l'État se désengage ou les structures culturelles sont étranglées par les baisses de financement, les retards de versement et l'incertitude permanente. Ce soutien municipal n'est pas un simple coup de pouce budgétaire. C'est un acte de résistance culturelle et citoyenne. Régis a tiré la sonnette d'alarme ces dernières semaines. Le risque de fermeture pure et simple planait. Cette subvention exceptionnelle va lui permettre de souffler. Mais rien n'est encore gagné. C'est ce qui a été rappelé hier à l'Assemblée générale, qui a décidé de poursuivre la mobilisation aux côtés de l'équipe, des artistes et du public. Parce que défendre les changeurs, c'est défendre une certaine idée de la culture, libre, exigeante, ouverte à toutes et à tous. Je souhaite apporter une proposition ce soir à ce conseil municipal, que l'on mette le théâtre de l'échangeur, qu'il soit placé sous protection citoyenne, comme le ferait pour un bien commun d'un symbole de notre patrimoine vivant, et que nous accrochions sur le fronton de l'hôtel de ville un grand calicot proclamant ce soutien. Un message simple qui dirait « Le théâtre de l'échangeur, c'est notre bien commun, nous le mettons sous protection citoyenne. » Car défendre un théâtre, ce n'est pas défendre un bâtiment, c'est défendre une respiration collective, un espace de sens, de dialogue et de beauté. Et dans les temps que nous traversons, ça n'a jamais été aussi nécessaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Edith Félix. Merci. Donc nous nous réjouissons de cette décision d'une subvention exceptionnelle, car elle démontre un engagement marqué de la ville auprès du théâtre de l'échangeur et de la compagnie publique Chérie. C'est un signe clair envoyé aux autres institutions afin qu'elles conservent leurs engagements auprès de ce théâtre. Ce théâtre, c'est un bel outil, non seulement parce qu'il est un lieu de rencontre avec le public, mais aussi parce que c'est un lieu de création prisé par les compagnies de théâtre, de musique et de danse. Les attaques contre le secteur de la culture sont récurrentes et la tendance met cap au pire, car elle s'attaque à un projet de société où la culture offre un espace commun exceptionnel et démocratique. Allez au théâtre de l'échangeur et écoutez comment Yon Foss défend qu'en réalisant la rencontre de l'unique et de l'universel, l'art contribue à la paix. C'est tout un projet de société qu'il nous faudra désormais défendre ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur Vionnet. Oui, juste un mot très bref, parce que Mohamed, pour notre groupe, a dit l'essentiel, mais juste effectivement pour aussi faire le constat que dans des circonstances comme celle-là, où un élément majeur du patrimoine matériel et immatériel de notre ville est menacé, je pense qu'il y a une unanimité complète dans ce conseil municipal, et ça me semble important de constater que dans des moments difficiles où des acteurs culturels comme le théâtre de l'échangeur soient menacés, on puisse constater un consensus et une unanimité dans notre enceinte, et j'imagine que c'est ce qui exprimera le vote sur la subvention exceptionnelle. Donc on aura l'occasion de délibérer un peu plus tard dans l'ordre du jour. Effectivement, en quelques mots, le théâtre de l'échangeur doit vivre. Voilà, c'est l'objectif que nous poursuivons, c'est l'objectif que je poursuis, c'est le sens du courrier que j'ai adressé avec Patrice Bessac, Stéphane Troussel et Alexis Corbière à la ministre, à la DRAC, pour qu'à un moment donné, les subventions puissent être rétablies. C'est un combat important qui est mené, parce que c'est l'échangeur, c'est un lieu symbolique dans notre territoire, et je pense qu'effectivement, c'est bien que chacun à sa place soit en capacité de se mobiliser pour le défendre. Et c'était important de le dire ce soir, à travers à la fois de la prise de parole des uns des autres de Régis Hébette et également de la subvention exceptionnelle qui va être votée tout à l'heure et qui fait aussi fonction des moyens de la ville. Mais c'est aussi un signal que l'on souhaite envoyer aux autorités de tutelle, c'est qu'on ne fait pas que parler, on agit. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Merci. Ensuite, nous avons une demande de prise de parole de l'association Sort de Terre. Gilles Amar, allez-y. Et bonsoir à tous. Une nouvelle fois, je suis là au conseil municipal. Comme à chaque fois, il y a une délibération sur, qui concerne la bergerie des Malassis. Ce soir, c'est un nouveau pas qui est fait pour nous, l'association Sort de Terre, dans la reconnaissance du travail qu'on fait depuis 17 ans à Bagnolet. Un travail de terrain, un travail qui a été innovant, toujours. Et ce soir, j'ai juste envie de dire que voilà, qu'on a commencé il y a 17 ans, en 2008, en créant des jardins dans l'espace public, en pied d'immeuble, à l'époque où les jardins étaient essentiellement des jardins partagés, des jardins familiaux, donc des jardins clos, qui n'étaient pas dans l'espace public. Et puis ensuite, donc peut-être qu'il y en a d'autres qui ont commencé un peu à faire ça en même temps que nous, mais ça disait quelque chose justement de la vie collective et de ce qui, comment dire, de ce qui fait la citoyenneté dans notre ville et ce rapport à l'espace qui est essentiel, parce que c'est dans ces espaces publics qu'on se rencontre, c'est dans ces espaces publics qu'on peut avoir des apprentissages, donc c'est ces espaces publics qui font vivre aussi la ville. Et puis après, quelques années plus tard, on a créé une ferme qui s'appelle la bergerie des Malassis. Donc une ferme avec des animaux qui sont mobiles, donc qui sont aussi dans l'espace public, donc qui transforment aussi le regard sur la vie, qui offre aussi énormément de possibilités d'apprentissage pour les enfants, et puis d'épanouissement pour tout le monde, et puis qui nous permettent de raconter nos histoires, nous qui sommes ici, qui vivons à Bagnolet, qui avons des histoires communes, des destins communs et en même temps des histoires différentes. Cet animal, c'est pas simplement la petite bébête qu'on va voir, je sais pas, au zoo ou dans la mini ferme qui se déplace d'école en école. Ces animaux sont des symboles. Ils parlent de nous, ils parlent de l'histoire de la ville, du peuplement de la ville. À une époque, à Bagnolet, il y avait des animaux. Et puis aujourd'hui, à Bagnolet, les habitants, il y a plein d'anciens paysans, il y a plein d'anciens éleveurs, il y a plein d'anciens bergers. Donc ça permet aussi à tout le monde de raconter son histoire. Pendant la présentation de M. Bessac, on parlait de la densité de la communauté d'agglo d'Est Ensemble, avec un nombre d'espaces verts par habitant qui est un des plus bas. Je pense qu'on peut dire de France. Ben, nous, voilà, Association Sort de Terre, on a toujours revendiqué ce droit à l'espace, ce droit, cette égalité d'accès à ce qu'on appelle la nature. On a tous notre nature, et là, depuis pas mal de temps, on fabrique quand même une nature qui est là à Bagnolet. Et donc ces espaces, on en a préservé. Il y en a plein qui connaissent l'histoire de la bergerie depuis le début ici, et donc ça a été de dire que voilà, l'espace public, ces espaces verts publics, on peut les traiter de manière qualitative, on peut les fabriquer avec les enfants, avec les habitants, et donc ça, et vous en savez quelque chose, monsieur le maire, durant votre mandat, on a réussi à préserver des espaces. Donc je pense aux Préjumeaux, qui sont restés un grand espace vert public, et je pense au terrain qu'a laissé libre aujourd'hui l'école maternelle Pêche d'Or. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, il y avait deux bâtiments qui étaient prévus, là, deux bâtiments d'Eiffage, deux bâtiments privés. Et en 2019, on a réussi à obtenir l'annulation de la construction de ces deux bâtiments. Donc, voilà des étapes, des jardins dans l'espace public, un autre regard sur l'espace vert public, une ferme, l'animal dans la ville qui fait écho à plein d'histoires et qui est quelque chose d'innovant. Et aujourd'hui, pour nous, et c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole, aujourd'hui, c'est quoi qui va être voté? C'est une ferme-école. Donc nous, on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Et l'avenir, c'est quoi? C'est les enfants de l'école Jacqueline Chonavel, les enfants de la crèche Jacqueline Chonavel, les enfants du centre de loisirs qui vont avoir un accès direct à la future bergerie des Malassis, donc la version numéro 3. On aura déjà fait 3 fermes à Bagnolet, c'est pas mal. Et donc ces enfants qui auront accès à ce grand terrain. Et c'est pour ça qu'on a voulu que ce terrain soit d'un seul tenant, qu'il ne soit pas séquencé. On a besoin d'espace. On a besoin d'espace pour notre bien-être. Une ferme, notre élevage, il a besoin d'espace pour fonctionner. Avec moins d'espace, on ne peut pas fonctionner. On a accepté pendant 3 ans, on a joué le jeu, on a réussi, on a poursuivi nos activités, on les a même amplifiées. Mais là, on a besoin d'espace. Les enfants qu'on accueille ont besoin d'espace. Les parents qui viennent avec leurs enfants ont besoin d'espace. Tous les gens qui viennent, parce qu'il y a aussi un volet, j'ai presque terminé, la bergerie des Malassis, c'est aussi un lieu culturel, un lieu de création et de représentation artistique. Les Malassis ont une histoire. Je connais un théâtre qui a eu un début d'histoire aux Malassis. Et on peut remonter encore plus loin dans l'histoire culturelle et artistique des Malassis. Donc on s'inscrit aussi dans cette histoire. Mais ce soir, mesdames, messieurs les élus, vous avez l'occasion de voter pour un beau projet. Donc une grande bergerie qui accueille tout le monde, qui est dans un quartier, tous les quartiers de Bagnoles, franchement, ils ont une histoire, ils sont symboliques, mais dans un beau quartier, les Malassis, et surtout de créer la première ferme école de Seine-Saint-Denis, et peut-être même de France. Donc on vient ici pour réaffirmer à nouveau notre engagement pour une ville où les gens sont unis, pour une ville où on combat la violence, les inégalités sociales, les inégalités d'accès à la nature, les inégalités d'accès à la culture. C'est pour ça qu'on se lève tous les jours, qu'on est sur le terrain avec les gens, qu'on n'a jamais lâché, qu'on ne lâchera jamais et qu'on espère toujours valoriser cette ville et notre banlieue. Voilà, je vous remercie. Merci Gilles, effectivement c'est un long chemin que l'on poursuit ce soir avec cette délibération 33 qui va nous amener dans les semaines, dans les mois qui viennent à cette ferme école. Et Gilles Amar parlait de l'abandon des deux derniers bâtiments qu'EFH devait construire en 2019. Effectivement, ça me permet de rappeler que par rapport au projet initial d'EFH aménagement sur le site, aujourd'hui, c'est près de 200 logements en moins qui auront été construits. Alors certes, avec une recette de 5,5 millions d'euros en moins pour la ville, mais effectivement, l'effort de dédensification qu'on a mené, que j'ai mené avec les collègues qui m'ont accompagné, avait pour but justement de préserver la bergerie. Et je pense qu'on y arrive et qu'on aura un beau projet dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a des collègues qui souhaitent intervenir ? Sébastien Stalens. Oui, je vous remercie. Bonsoir à tous. Bon, très rapidement, Gilles a beaucoup dit et je voudrais juste souligner sa détermination et son courage qui nous permet aujourd'hui d'avoir une nouvelle délibération pour lui permettre de poursuivre son activité et de l'améliorer. Et c'est très important pour nous et pour cette ville. On a parlé tout à l'heure de l'échangeur comme un bien précieux, mais la bergerie en est un tout autant. Je pense que ce n'est pas des efforts, c'est un investissement. On est vraiment dans cette dimension de pouvoir apporter aux citoyens, aux Bagnoletaises, aux Bagnoletais, un espace exceptionnel, rare et précieux. Et on en voit aujourd'hui peut-être le bout du chemin. Gilles va pouvoir se réinstaller de façon confortable, ou en tout cas adaptée, et on en est ravis. On votera bien évidemment pour cette délibération. Et encore une fois, je voudrais le remercier au nom de mon groupe, mais aussi certainement au nom du conseil municipal, au nom de tous les Bagnoletais, d'avoir été aussi patient, d'avoir été aussi courageux et aussi déterminé. Je pense que sans cet investissement personnel de sa part, aujourd'hui, on n'aurait pas cette délibération 33 et on n'aurait pas le bonheur de pouvoir proposer à nos concitoyens un endroit aussi intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Mohamed. Merci. Sébastien vient de le dire, nous voterons évidemment cet avenant. Un avenant qui est une bouffée d'oxygène pour l'association et va lui permettre d'assurer la continuité de ses projets et de contribuer à la reconstruction de la bergerie des Malassis. Nous le saluons parce que nous faisons bien plus qu'un simple geste administratif. Nous posons un acte politique. Parce que dans le contexte actuel, rien n'est neutre. Nous vivons un moment où les discours de haine et de peur se banalise, où l'on désigne des boucs émissaires plutôt que des solutions, où le mépris des plus fragiles, la casse sociale et le repli identitaire gagnent du terrain. À un moment dans le pays, la tentation du pire, celle du rejet, de la fermeture de chacun pour soi, s'avance masquée derrière de beaux mots d'ordre sur l'ordre et la sécurité. Eh bien à cela, nous répondons autrement. Nous répondons par le soutien à celles et ceux qui, sur le terrain, font tenir la société ensemble. et sort de terre est l'un des plus beaux exemples. À la Bergerie des Malassis, cette association fait ce que la République devrait faire partout. Elle éduque, elle soigne les fractures. Elle apprend le respect du vivant, l'entraide, la dignité. Elle offre un lieu d'ancrage, d'écoute, de partage dans des sociétés qui isolent et précarisent. Leur travail éducatif, social, culturel, écologique est profondément politique, au sens le plus noble du terme. Parce qu'en recréant du lien, en mettant les gens ensemble, sort de terre, fait reculer la haine et l'indifférence. Alors oui, nous devons leur donner les moyens d'agir, pas seulement par une subvention, mais par un soutien durable et résolu. Parce que leur combat est aussi le nôtre, celui d'une ville ouverte, fraternelle, solidaire, à rebours du climat nauséabond qui s'installe. Aujourd'hui, dans un monde où certains veulent dresser des murs, sort de terre, construire des passerelles. Dans un monde qui veut faire taire, sort de terre fait entendre la voix du vivant, de l'humain, du collectif. En votant cet avenant, nous affirmons clairement le vivre ensemble n'est pas une option, c'est notre choix politique. Et ce choix, il faudra continuer à le porter haut et fort face à toutes les forces de division, de haine et de résignation. Soutenir sort de terre, c'est défendre une certaine idée de la société, de la ville et de la République. Celle où la solidarité n'est pas un mot creux, mais un acte. Celle où l'on choisit la vie contre la peur, l'avenir contre le cynisme, la fraternité contre la haine. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Anne de Rugy. Oui, merci, Monsieur le maire. Je suis contente d'entendre toutes ces interventions consensuelles aujourd'hui, parce qu'effectivement, je pense que sur la bergerie et l'école, il y a un certain nombre de promesses qui ont été tenues. La promesse de voir la bergerie gardée et même retrouver un espace plus grand à côté de l'école, donc de retrouver une ferme école après un déplacement pendant les travaux. La promesse de voir sur cette parcelle plus de pleine terre, ce qui est quand même assez rare vu la densification et la bétonisation aujourd'hui en Île-de-France. Donc retrouver plus de pleine terre, il y a vraiment un enjeu de biodiversité, de porosité des sols, et c'est très important. Et je voudrais dire pour l'avenir... qu'effectivement, l'aménagement d'une ferme école est une bonne nouvelle. L'aménagement, j'imagine, aussi d'espace pour le quartier. Il y a vraiment une demande d'espace, de pique-nique, de jeux pour enfants. Je ne parle pas de jeux d'espace-jeu, mais d'espace pour jouer au milieu de la... Enfin, j'imagine la nature retrouvée, parce que là, il y a vraiment un effort de renaturation à faire. Je pense que pour l'avenir, il faut aussi réfléchir ensemble à l'ouverture de cet espace sur le quartier pour qu'il n'y ait aucune barrière, même symbolique, et qu'il y ait un usage qui soit original, effectivement, qui soit un usage multiple, que ce soit un usage scolaire, puisqu'il y a une école juste à côté, il y a une crèche, donc on peut imaginer aussi des espaces pour les tout-petits, et puis beaucoup d'habitants, c'est un quartier très dense. Donc nous voterons cette délibération. Excellente nouvelle. Et donc c'est la raison pour laquelle Gilles Amard, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises en bureau municipal, sera chargé de définir les usages de cet espace qui sera bien entendu ouvert au public et qui permettra à la bergerie d'être partie prenante de tous ces espaces de dimension totale de 2500 m², si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, l'échangeur fait consensus, sort de terre fait consensus, on peut que s'en féliciter. Donc c'est délibération 33. On reprend l'ordre du jour. Je donne la parole à Cédric. Je m'absente quelques instants. Oui, bonsoir chers collègues. Donc nous sommes sur la délibération numéro 3. Service commande publique, protocole transactionnel pour Monsieur Rémi Rocheteau afin de l'indemniser de 222,40 € pour un pneu crevé. Avez-vous des remarques, des questions, chers collègues? Non, Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 4. Rapport annuel du délégataire de service public chauffage urbain. Alors, comme vous le savez, la ville de Bagnolet a attribué une délégation de service public concernant l'exploitation du chauffage urbain à la SDCB. Dans ce cadre, le délégataire doit remettre chaque année un rapport. Et ce rapport doit être mis à l'ordre du jour du conseil municipal. Ce rapport a été examiné par la commission consultative des services publics locaux. En quelques mots, que retenir de ce rapport ? Ce réseau approvisionne 15 000 équivalents logements sur 20 km de canalisation. L'alimentation est au gaz naturel et biomasse, c'est-à-dire le bois, depuis 2015. Il y a 3 chaufferies. La principale est celle située avenue des Roses. Et ce réseau compte aujourd'hui 173 sous-stations. Voilà pour la photographie de notre réseau. Quels sont maintenant les éléments saillants qui apparaissent dans ce rapport pour 2024? Tout d'abord, la mixité énergétique a joué en défaveur du bois, donc la biomasse, en 2024, en passant de 70 à 59%, à cause de l'arrêt de la chaudière bois pendant 2 mois pour des modifications de convoyage, donc des travaux prévus. Nous espérons que sur 2025, nous n'ayons pas les mêmes soucis. Il n'y a eu aucun incident majeur sur le réseau primaire, et c'est une bonne nouvelle. Le rendement, par contre, peut être amélioré, doit être amélioré dans les années à venir, car aujourd'hui, il est trop bas. Enfin, nous avons un système de chaleur compétitif, avec un prix raisonnable par rapport aux autres villes de la même taille. Voilà pour la synthèse du rapport. Chers collègues, je vous laisse la parole. Avez-vous des remarques, avez-vous des questions ? Madame Desbordes-Sin. Je vais essayer sans tousser. Oui, je voulais dire 2 mots, comme je le fais chaque année au nom du groupe, sur le rapport du délégataire. On t'a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent que le réseau de chaleur urbain de Bagnolet est à la fois évidemment précieux d'un point de vue écologique, mais ancien, puisqu'il date de 1966, que son exploitation a été confiée en 2012 à la société de chaleur urbaine, à la SDCB, Société de distribution de chaleur, qui est une filiale d'Engie, et que le contrat court jusqu'en 2039 et qu'il a déjà fait l'objet de 5 avenants, dont le dernier a été signé en 2024, de mémoire. Rappelez aussi que ce réseau de chaleur, je crois que tu l'as dit Cédric, alimente en chauffage, en eau chaude sanitaire, plus de 15 000 équivalents logements bâtiments publics, et qu'il est desservi par 20 km de canalisation et 173 sous-stations. Alors, on a effectivement le mix énergétique, est plutôt favorable d'un point de vue écologique, puisque c'est essentiellement bois énergie. Mais je voulais aussi rappeler que ces dernières années, vous vous souvenez qu'il a fait quand même, le réseau a été défaillant. Un certain nombre d'avaries ont affecté le réseau primaire et ça a occasionné des coupures de chauffage, des interruptions au service, y compris en plein hiver. Donc ça exige, c'est un réseau qui exige, qui est à la fois vertueux écologiquement, mais qui exige de la part de la ville une vigilance particulière. Alors sur le rapport 2024 du concessionnaire, rapidement, je ne veux pas vous assommer de chiffres, s'agissant du tarif qui est facturé aux usagers, donc il baisse pour la deuxième année consécutive, ça va mettre en relation avec la baisse du prix du gaz naturel, donc 116 € le mégawatt-heure, donc c'est une baisse qu'il faut noter, mais si on regarde sur l'échelle de la mandature, il y a quand même une augmentation du tarif qui est facturé aux abonnés, aux usagers, de plus de 30% par rapport à 2020. Donc c'est un élément à prendre en considération et qui devra faire l'objet aussi d'échanges et de négociations, de renégociations avec le concessionnaire. Ensuite, s'agissant du rendement, bon, tu l'as dit, 80%, c'est un peu mieux, mais ça reste toujours juste, correct. On avait, par le passé, un réseau qu'on pouvait qualifier de fuyard, qui n'était pas très performant, avec des pertes liées à la vétusté des canalisations primaires, et puis aussi à des défauts d'entretien des chaudières et puis des sous-stations. Alors, sur la partie, l'avenant numéro 4 était un avenant qui actait un renouvellement du linéaire et des canalisations. Je crois que c'était 4 km de renouvellement. Donc, cette année, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'en 2023, non, ce n'était pas cette année, en 2023, il y a eu seulement 200 mètres de linéaires qui ont été renouvelés, alors que l'année précédente, il y en a eu 773. Donc, si les travaux de renouvellement continuent au rythme de 2024, il faudra 5 ans pour les terminer, alors qu'il aurait fallu 2 ans si le rythme précédent avait été maintenu. Donc, pour conclure, il faut donc continuer à exercer un contrôle et une vigilance quand même assez étroite et resserrée avec ce concessionnaire, puisque la qualité, au-delà du tarif qui est facturé aux bagnoletaises, c'est aussi la performance du réseau qui garantit un accès égal pour tous au chauffage et puis à l'eau chaude sanitaire. Et donc, c'est une question évidemment d'égalité, de justice sociale et de dignité. Merci à tous. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a un système qui est compétitif. On avait comparé le prix de ce réseau avec des villes de même strate et on s'était aperçu que le prix était très compétitif, ce qui avait rassuré les usagers qui étaient présents lors de la réunion. Mais il a augmenté par rapport à d'autres années, et notamment pendant la période où le gaz s'est envolé. Effectivement, il faut continuer à faire des efforts, notamment alors, en négociant avec le délégataire, mais aussi... Je pense que tu ne l'as pas évoqué, mais tu dois l'avoir en tête, c'est aussi compléter le mix énergétique avec très clairement des énergies renouvelables, par exemple, ou d'autres systèmes d'énergie qui apporteraient de l'énergie plus compétitif que le gaz. Donc, c'est un travail sur lequel on réfléchit à l'heure actuelle. Chers collègues, y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Oliva. Oui, juste deux observations rapides. Effectivement, le réseau, il est... un rendement relativement faible, qu'on conclut le rapport annuel. Donc, c'est à noter. On n'est pas dans un réseau qui est en bon état, en bonne santé, malgré chaque fois les relances et les investissements et enfin, tout qui ont justifié ces dernières années, d'ailleurs, de prolonger le contrat. Et deuxième remarque pour sourire, on voit que le résultat net est négatif, moins 2%. Donc, c'est triste pour le délégataire qui perd de l'argent à Bagnolet. Donc, j'espère que cette situation ne va pas se prolonger trop longtemps pour lui. Bon, on notera votre ironie. Je crois qu'on l'a bien comprise. Et écoutez, dont acte. Madame de Rugy. Oui, merci. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais être très brève. Je pense qu'en effet, il y a une bonne nouvelle, c'est que, je peux le dire aussi en tant qu'usagère et bénéficiaire de ce chauffage urbain, c'est qu'il y a beaucoup moins de problèmes que par le passé, donc ça, c'est positif. Néanmoins, on peut avancer et faire mieux pour l'avenir dans différentes directions. La première direction, c'est effectivement moins de gaz, puisqu'on voit que économiquement, c'est l'augmentation du gaz qui a fortement augmenté le coût du chauffage urbain en 2022, et puis ensuite ça a baissé, donc ça suit le cours du gaz. Il y a moyen aussi d'avoir un mix énergétique effectivement plus écologique, et pour cela, on peut avoir l'appui d'Est Ensemble, qui justement est assez engagé pour améliorer le caractère écologique de l'énergie. Ensuite, il faut travailler aussi sur l'ensemble, sur toute la chaîne du chauffage urbain, parce que probablement, il y a encore des problèmes, ça on ne peut pas le nier, notamment dans les logements d'Est Ensemble Habitat, c'est sans arrêt remonté, et ça vient... des stations intermédiaires et peut-être aussi des chaufferies locales dans chaque immeuble. Et donc le fait que globalement, c'est vrai qu'il y ait qu'il y ait un meilleur fonctionnement, qu'il n'y ait plus d'interruption de l'eau chaude en plein été, on avait 8 jours d'interruption, ça c'est fini. Mais il y a encore des progrès à faire sur l'ensemble de la chaîne du chauffage urbain. Parce qu'effectivement, le chauffage urbain C'est précieux, c'est, le caractère collectif fait que c'est globalement moins cher, donc c'est énergétiquement et économiquement précieux, mais il y a encore des progrès à faire sur l'ensemble de la chaîne et peut-être des négociations à avoir sur ce plan-là avec le délégataire. Merci. Oui, donc effectivement, comme je l'ai dit juste avant vous, il y a un travail à faire effectivement sur le mix énergétique. Je pense que c'est là où aujourd'hui on peut essayer de trouver des solutions pour jouer sur alors le coefficient R1 ou R2. Sincèrement, je ne m'en souviens plus, mais c'est là-dessus, effectivement, qu'on peut faire des efforts. Il y a plein de solutions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille dessus pour tout simplement faire évoluer notre système de réseau de chauffage urbain, car nous y tenons énormément. Et le but du jeu, c'est que les usagers payent encore moins cher l'énergie. Et effectivement, il faut l'entretenir. Donc nous avons eu raison, tous ensemble, de l'entretenir, parce que sinon, les chiffres sur le rendement seraient encore plus mauvais que ceux d'aujourd'hui. Mais évidemment, sur l'avenir, il ne faut pas être devin pour comprendre qu'il y aura d'autres avenants pour justement continuer les investissements et réfléchir à un nouveau mix énergétique innovant. D'autres questions ? D'autres remarques ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est voté à l'unanimité. Merci Cédric. Délibération suivante. Avenant marché public relatif à la fourniture de titres restaurants. Merci Monsieur le maire. Donc, pour rappel, la ville de Bagnolet a conclu un marché public relatif à la fourniture de tickets restaurants avec la société Opcop, reconductible 3 fois, avec un montant maximum annuel de 900 000 euros hors taxes. Cette estimation à l'époque fut trop basse. Il convient d'apporter une modification au marché pour sa bonne exécution, donc pour donner en fait davantage de tickets restaurants, et de passer le montant maximum annuel à 1 170 000 euros hors taxes. Des remarques ? Pas de remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport numéro 6. Avenant numéro 1 à l'accord cadre de travaux dans les bâtiments communaux, lot 5, menuiserie extérieure, occultation, vitrerie, miroiterie, clôture, portail et serrurerie et lot charpente. Cédric. Alors c'est à peu près la même logique que la délibération précédente. Donc pour rappel, la ville de Bagnolet a conclu un accord cadre alloté à bon de commande pour les travaux dans les bâtiments communaux. C'est avec un montant maximum annuel de 500 000 euros hors taxes pour chaque lot. Il apparaît nécessaire aujourd'hui de conclure un avenant numéro 1 pour les lots 5 et 7 afin d'en augmenter le montant maximum annuel à hauteur de 30% par rapport au montant initial, soit une somme de 150 000 euros hors taxes et d'arriver à 650 000 euros hors taxes. Alors, je précède les questions. Pourquoi cette augmentation ? C'est notamment dû aux récents travaux dans les écoles et j'ai une toute petite liste pour essayer d'étayer au mieux les propos. Par exemple, ont été investis cet été 160 000 euros pour l'école Coton sur les fenêtres, 71 000 euros pour Vallon sur les fenêtres, 48 000 euros pour Jules Curie pour les stores, 35 000 euros pour Jules Verne pour les fenêtres et 20 000 euros pour Barbus pour les stores. La liste n'est pas exhaustive, mais j'ai pris les éléments les plus saillants. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Cédric, attribution de la délégation de services publics relative à la gestion de la crèche. Jacqueline Chenavel. Alors, je vous rappelle que nous avons voté en décembre 2024 le recours à une DSP pour la gestion de la crèche Jacqueline Chenavel. Aussi, les services ont lancé une consultation qui s'est déroulée en 3 phases. Une première réunion de la CAO en avril 2025 pour l'admission de 6 candidats. Une seconde réunion de la CAO en juillet 2025 pour retenir 3 candidats et demander à l'administration de négocier sur 2 critères, ces 2 critères étant qualité de service rendu aux usagers et la valeur économique de l'offre. Il y a eu enfin une 3e réunion de la CAO en septembre pour connaître le lauréat. Aujourd'hui, il s'agit de l'association Léo Lagrange Centre-Est. Des remarques, des observations ? Monsieur Stalens. Très rapidement, on va voter contre cette délibération parce que c'est le principe de la DSP. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de crèches fonctionnent avec des moyens publics et municipaux. Et je pense que c'est peut-être une occasion ratée de ne pas avoir mis en place dès le début ce type de moyens, ce type de structure. Donc nous voterons contre cette délibération en raison, encore une fois, de la délégation de service public. On aimerait pouvoir conserver, surtout dans le cadre de nos enfants et de leur éducation, le maximum de contrôle sur ce type de service. C'est noté. Monsieur Oliva. Oui, donc nous étions déjà intervenus il y a un peu moins d'un an, en décembre 2024, en critiquant cette DSP. Effectivement, pour nous, il ne faut pas de low cost pour les bébés. Et donc, voilà, on sait très bien qu'il y a plein de dérives mercantiles autour des crèches. Donc, voilà, on n'est pas favorable à ça. On s'était abstenu et donc on s'abstiendra, bien sûr, sur la désignation du délégataire. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, Cédric. Marché de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la reconstruction du stade de la briqueterie de la ville de Bagnolet. Délibération importante. La ville de Bagnolet donc souhaite reconstruire, comme vous le savez, le stade de la briqueterie qui a été construit dans les années 1970 et profiter de l'opportunité de la construction du nouveau collège travail à cet endroit. Il s'agit donc, dans ce nouveau stade, de construire un nouveau bâtiment tribune vestiaire avec des espaces dédiés aux sportifs et des aménagements extérieurs, notamment une piste et quelques ateliers d'athlétisme et un terrain de rugby et des cheminements, puisqu'il y aura deux centres au nord et au sud et des aménagements paysagers qualitatifs. Pour la transparence la plus totale, c'est un dossier long et complexe et je remercie les élus qui se sont prêtés à leur fonction pour débattre, parce que ça a été de longues réunions. Il y a eu trois réunions, un premier jury qui était composé de 6 élus et de 3 professionnels, 6 élus membres de la CAO et 3 professionnels, 2 architectes et 1 paysagiste, pour étudier la première fois pas moins de 71 candidatures. 3 ont été retenus. Par la suite, un second jury a analysé et classé ces 3 offres et ont désigné un lauréat. Le lauréat, c'est Lieu Fauve. Il est mandataire d'un regroupement de 8 contrats, paysagiste, économiste, architecte, spécialiste et de réemploi. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, je parlerai en mon nom propre, le projet qui m'a le plus plu parce qu'il était le plus vertueux en termes de réemploi. Et comme je vois qu'on projette l'image de la tribune sur un grand écran, j'en profite pour dire que ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est notamment les piliers en forme de Y. Je vais demander un petit effort de visualisation. Il y a des pylônes en béton en forme de Y en haut des tribunes actuelles au stade de la briqueterie. Et ce projet-là permet de les scier, donc à la base et en hauteur, donc là on le voit sur l'image du milieu notamment, pour les implanter, pour les transporter sur la nouvelle tribune et donc faire du réemploi et garder la mémoire de la tribune. Donc je pense que, comme beaucoup de collègues, c'est ce qui m'a sans doute le plus plu. C'est une enveloppe globale de 5,8 millions d'euros hors taxes. La complexité du projet, c'est surtout son planning lié à la livraison du terrain à la rentrée 2026. Et puis aussi ce réemploi, parce que c'est, d'après les spécialistes, un sacré challenge. Et donc on sera certainement novateur, encore une fois, à Bagnolet, mais c'est très complexe. Voilà pour la présentation de ce service, de ce marché de maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions? Madame Félix et Monsieur Stalens. Merci, Monsieur le maire. Les projets présentés lors du concours étaient de très bonne qualité. Hein, et le projet retenu est très intéressant, comme le disait Cédric, avec la récupération des colonnes en Y. Et puis aussi un effort de préservation du patrimoine. Le recyclage des éléments et des soins mis à inscrire l'ensemble du bâtiment dans le quartier et dans des continuités écologiques. Donc moi aussi, j'ai vraiment apprécié ce projet-là. Nous nous abstiendrons néanmoins sur cette délibération pour la raison que nous ne soutenons pas le projet de pelouse en synthétique. Les pelouses en synthétique, hein, ça imperméabilise les sols. ça pollue, les fibres plastiques polluent. Et dernier élément, en été, la température au sol est très élevée avec ce type de revêtement. Donc c'est déjà un projet obsolète et il faut vivre avec son temps. Je tiens juste à préciser que la même réponse va être apportée qu'en commission. Hein. C'est-à-dire que là, il s'agissait de retenir le concept de la tribune. Et c'est bien cela dont il s'agissait, puisque le choix du terrain avait déjà été fait auparavant. Sébastien Stalens. Moi, j'allais intervenir un petit peu dans ce sens-là aussi, à savoir sur la nature du terrain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une aberration d'imaginer pouvoir faire encore aujourd'hui un stade synthétique quand on en connaît les coûts, quand on en connaît les difficultés d'entretien, quand on en connaît les difficultés d'utilisation pour les usagers et quand on sait que dans 8 ou 10 ans, on va devoir le refaire. C'est la durée de vie d'un terrain synthétique. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'interroge, au-delà de me gêne, comment on peut encore aujourd'hui être dans une configuration aussi rétrograde. On n'aurait pas pu profiter de cette occasion, comme plein d'occasions qui nous sont données, pour essayer de se projeter un peu plus vers l'avant et d'aller vers quelque chose qui soit plus en corrélation aux attentes. On est en plein réchauffement climatique. Prenons juste cet exemple. Vous savez quelle température il peut faire au sol en été sur ce type de stade ? Entre 60 et 70 degrés. On se brûle. C'est-à-dire que les rugbyman, par exemple, qui passent beaucoup de temps au sol pour les plaquages et pour les mêlées, ils vont, c'est abrasif, ils vont se brûler. Donc comment aujourd'hui on peut mettre en délicatesse les usagers, mettre en délicatesse les citoyens bayonnetais, parce que c'est des surcoûts qui nous attendent et qui vont devoir être assumés. Et je suis un peu atterré. On aurait pu avoir un espace considéré comme un îlot de fraîcheur, et là on est en train de construire un îlot de chaleur. Alors, même réponse, puisque là, en fait, en l'occurrence, on pourrait quand même apprécier pendant quelques secondes, c'est pas beaucoup, hein, quelques secondes, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que pour ceux qui sont à Bagnolet depuis des décennies, je pense qu'on fait tous le même constat, c'est que les tribunes doivent être reconstruites. Qu'on profite de l'opportunité du collège pour le faire. Et que quand on regarde le croquis que vous avez devant vous, sur le grand écran, on a là quand même un beau projet. Un beau projet, comme le disait Edith tout à l'heure, on a eu 71 très belles offres. Que ça a été des heures de travail pour les élus, mais aussi pour l'administration, pour délier tout cela et essayer de faire le meilleur choix en se projetant dans 50 ans ou dans 100 ans. C'est parce que le choix qu'on a fait pour les membres de la CAO, et c'est regrettable qu'Edith n'ait pas voté, hein, mais on avait quand même cette conscience de se dire que le projet qu'on allait retenir sera encore là dans 50 ans. Donc, apprécions quelques secondes quand même le choix de la tribune, j'espère qu'elle vous plaît. On se dit tous écolo, là on l'a prouvé, parce que le réemploi, c'est le projet qui était avec la valeur réemploi la plus forte. Donc ça pourrait peut-être venir compenser sur le terrain. Et on peut en être fier, c'est-à-dire qu'on peut être fier de cette tribune. Et c'est l'histoire de Bagnolet. Je pense que Jean-Claude nous a dit souvent que cette tribune était une partie de l'histoire de Bagnolet. Vous voyez, on finit par conserver cette partie de l'histoire. Donc soyons quand même quelques secondes contents, parce que c'est quand même un peu triste, je trouve, par moment, quand on a des beaux projets, quand on arrive au bout des projets, qu'on ne se félicite pas quand même des choses qui sortent dans Bagnolet et qui soient quand même... en plus, le vote a été unanime sur ce projet-là. Donc, en plus, il y a une unanimité derrière. Maintenant, pour revenir sur le terrain synthétique en quelques secondes aussi, on a eu un débat très riche, très long en bureau municipal. Donc, cette question que tu poses, on se l'est posée aussi. Hein. Le groupe d'Edouard a même demandé quelques jours de réflexion si mes souvenirs sont bons, parce qu'ils avaient besoin d'un délai pour réfléchir. Et ça ne nous a pas échappé qu'il y avait une différence entre un îlot de fraîcheur, tu as tout à fait raison, et un stade où il y a une haute fréquence d'exploitation. Et c'est le cas de ce stade. Ça va être un stade qui va être hyper fréquenté, parce qu'il n'y a pas assez de stades à Bagnolet et il n'y a pas assez de stades en règle générale dans le département. et que ce soit Bagnolet ou les villes voisines, hein, il suffit juste d'aller à Montreuil, hein, c'est pas très loin, à contre-cœur, on est obligé de faire ce choix-là, c'est ce qu'on expliquait à Edith, hein, d'ailleurs, sur le fait que si on est en naturel alors que le terrain est hyper exploité par le rugby, par les associations, par les écoles, vous n'avez plus de terrain au bout d'un mois. Voilà la réalité des choses. Les îlots de fraîcheur, par contre, on ne les abandonne pas. On travaille sur une ville, on ne travaille pas sur une parcelle. Et sur la ville, il faut créer d'autres îlots de fraîcheur pour venir compenser effectivement ce terrain. Monsieur de Noël. Merci. Effectivement, il y a eu débat. Il y a eu aussi beaucoup de débats parce qu'on a eu des informations un peu contradictoires sur la qualité et les caractéristiques de chacune des propositions qui étaient faites, terrain en herbe, terrain mixte, ou plutôt hybride, comme on les appelle, et terrains synthétiques qui ne sont aujourd'hui plus les terrains synthétiques en pneus de l'époque. Clairement, il faut réussir à concilier pratiques sportives et autres impératifs, mais effectivement, le taux de fréquentation d'un équipement comme celui-là est important, et il n'y a pas que les clubs sportifs, il y a les écoles, les centres de loisirs, etc. La proposition que nous, on a formulée, après effectivement quelques jours de réflexion, c'était d'essayer de sortir par le haut de ce débat et de reprendre la cote du terrain. Et nous, on a donné notre assentiment à flécher ce terrain en synthétique à la condition qui est le même mètre carré, donc les 7000 mètres carrés de débitumation dans la ville, en compensation de ce terrain pour qu'il n'y ait pas de perte. Voilà. Donc la semaine autour du 8 mai a permis à Bagnolet en commun d'approuver notre projet, s'il fallait encore le démontrer. Est-ce qu'il y a d'autres mains ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Convention de groupement de commandes relative à l'accord cadre pour la fourniture de mobilier de bureau. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de relancer un précédent marché, celui de la fourniture de mobilier de bureau, en restant sur le même principe de mutualisation des villes afin d'optimiser les achats et de faire des économies. Sont concernées les villes de Bagnolet, de Bondy, des Lilas, de Montreuil, de Nozilsec, de Pantin, du Pré-Saint-Gervais, de Romainville. Le coordinateur titulaire reste le PT Est Ensemble. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, Cédric, conclusion d'une convention d'entente. Il s'agit de créer une nouvelle organisation autour de notre cuisine centrale. J'imagine que ça va lancer les débats. Donc la commune de Bagnolet et le syndicat ont souhaité s'associer afin d'assurer une synergie dans la gestion des services publics de restauration collective. Dans ce cadre, il est apparu que le cadre le plus adapté était celui de l'entente intercommunale. Dans le cadre de cette entente, le syndicat fait bénéficier la commune de son expérience dans les missions suivantes, donc assistance à l'élaboration des menus, assistance à la gestion des achats et des stocks, mise en place d'un plan de formation, assistance dans la mise en œuvre d'un audit technique de la cuisine. En contrepartie, la commune apporte les moyens matériels suivants, la mise à disposition de matériel, la mise à disposition d'un espace dédié au stockage. La commune, comme le syndicat, s'entendent sur un partage financier des dépenses. Voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Monsieur Vionnet. Oui, au-delà du véhicule juridique, c'est cette délibération est une délibération politiquement importante parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler de multiples fois dans ce Conseil. La question de l'alimentation est une question centrale pour notre ville. C'est une question écologique, c'est une question de santé publique. Et c'est aussi une question d'autant plus importante dans une ville qui, à la différence de certaines de ses voisines, a une cuisine centrale municipale de très longue date. Je ne reviendrai pas sur les débats passés qui nous ont animés, puisque je me souviens que lorsque le maire et son adjoint à l'éducation, je pense, à l'époque, nous ont proposé d'avoir recours à Sodexo pour la cuisine centrale, j'étais intervenu longuement sur ce sujet et sur ce qui me semblait un très mauvais choix. Bon, plusieurs années après, on a ce soir une délibération où il s'agit de travailler non plus avec Sodexo, mais avec le syndicat intercommunal Table Commune. Bon, on ne peut que s'en féliciter, mais je pense que notre ville aurait grandement gagné, et notamment les enfants des écoles, leurs familles, les habitants, les seniors aussi qui bénéficient des livraisons de la cuisine centrale, que tout le monde aurait grandement bénéficié de se passer de cet errement avec Sodexo qui a provoqué beaucoup de débats et beaucoup de mécontentement dans notre ville. Donc là, on votera favorablement à cette délibération de partenariat avec le syndicat intercommunal Table Commune. Cela dit, sans formule facile, on reste encore un peu sur notre faim, parce que cette délibération parle effectivement du partenariat avec Table Commune, mais elle est assez muette sur les questions du bio, sur les questions du circuit court, sur la question de la saisonnalité des choses. Et on sait que les questions centrales, elles sont là. Et donc, OK pour un partenariat de la ville de Bagnolet avec ce syndicat intercommunal, mais ce qu'on attend, nous, de la ville, c'est qu'elle soit extrêmement vigilante dans le travail, puisque malgré tout, on reste dans un système de fournisseurs uniques, alors que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici à plusieurs reprises, les villes qui cherchent à travailler une alimentation de plus grande qualité ont plutôt tendance à multiplier les producteurs, parce que un producteur de prunes ne produit pas nécessairement des pêches, que de la saisonnalité nécessite aussi de multiplier des producteurs de proximité. Donc là, on reste malgré tout dans un système de fournisseurs uniques, et je pense qu'il est important qu'à l'avenir, la ville soit extrêmement vigilante dans le travail qu'elle doit mener avec Table Commune sur, justement, ces aspects de circuit court, ces aspects de parts de bio, ces aspects de produits de saison, etc., etc. Donc voilà, on vote favorablement parce qu'on considère qu'il y a un pas positif après ces années d'errement, mais pour autant, on a le sentiment qu'il y a encore beaucoup de boulot pour une vraie alimentation saine et durable dans notre ville. Merci, monsieur Lenay. Un mot, si vous le permettez. C'est effectivement un fournisseur unique, mais un fournisseur qui multiplie les fournisseurs lui-même. C'est-à-dire que le Table Commune a une multitude de fournisseurs, et au cœur de son projet, on a les circuits courts, on a le bio, et je me permets de souligner que ce sont les évolutions juridiques récentes du Siresco qui nous permettent d'aller vers cette entente, puisqu'il s'agit d'une entente. Voilà. Et partage comme vous l'objectif d'améliorer la qualité des repas qui seront servis dans nos cantines. Jean-Claude Oliva. Oui, et effectivement, depuis longtemps, on a deux problèmes récurrents avec la restauration scolaire dans notre ville. D'abord, c'est l'état des installations anciennes, souvent mal entretenues, et c'est la désorganisation du personnel qui n'est pas propre à ce service à Bagnolet. Alors, sans remonter trop loin, nous avons connu plusieurs épisodes critiques cette année. Donc, vous savez, tout le monde sait qu'il y a eu une inspection préfectorale le 4 et 5 février, qui a demandé des mesures correctives, qui ont conduit à un certain nombre de travaux, de grands nettoyages, et qui ont fait que la cuisine a été arrêtée du 14 au 18 avril pour une semaine. Et depuis... Comment ? C'est pour une semaine. Par contre, ça fait deux mois, là, depuis la rentrée, que les repas qui sont servis à Bagnolet sont fabriqués à Ivry avec le personnel de Bagnolet. Absolument. Qui est en formation, si Absolument. J'ai bien compris. C'est ce qu'on a annoncé avant l'été. Très bien. Donc... tout ça, ça montre quand même, et si je regarde ce qui est demandé à Table Commune, on voit en creux, ça nous donne l'ampleur de la difficulté, de la crise de la restauration scolaire à Bagnolet. je vous lis ça rapidement, hein, sans juste les têtes de chapitre. Ce que table commune doit faire, c'est l'assistance à l'élaboration des menus, c'est l'assistance à la gestion des achats et des stocks, c'est la mise en place d'un plan de formation, c'est l'assistance dans la mise en œuvre d'un audit technique de la cuisine et missions complémentaires à définir. Vous voyez quand même ce qui est demandé et quand ça montre bien l'état dans lequel se trouve ce service. Je suis moi aussi très constructif et positif. Hein. J'espère que cet accord va permettre mais va mettre un terme à 10 ans de crise et d'errement de ce service. Donc on votera pour, effectivement. D'autres interventions ? Ah, c'est beau ce soir. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Donc il nous faut désigner deux représentants. Donc comme c'est beau ce soir, je propose que ce soit Édouard de Noël et moi qui représentions la ville de Bagnolet au sein de table commune. Et ça pose un problème. Comme M. Vionnet sourire. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport de la CLECT. Est-ce que vous avez des observations sur le rapport de la CLECT ? Pas d'observation ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Nous avons ensuite une délibération classique. C'est la présentation du rapport du FSRIF pour 2024. Est-ce que vous avez des observations sur ce sujet ? Pas d'observation ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Ensuite, décision modificative numéro 1 qui nous permet d'intégrer notamment l'aide supplémentaire au théâtre de l'échangeur. Donc cette délibération concerne la première décision modificative pour le 2025. Comme vous le savez, il s'agit d'un ajustement technique et financier qui permet en cours d'exercice de faire coller notre budget à la réalité des faits, d'intégrer les recettes désormais certaines, de tenir compte des notifications officielles de nos partenaires et d'adapter nos dépenses en fonction du degré d'avancement réel de nos projets. La décision modificative qui vous est proposée d'adopter ce soir est d'abord l'occasion d'intégrer dans notre budget des recettes supplémentaires. Nous avons perçu 1,7 million d'euros de FCTVA au titre de l'opération de construction des équipements publics Jacqueline Chenavel. C'est avec une grande prudence que nous avions en effet construit nos prévisions budgétaires, contrairement à ce qui avait pu être dit lors du vote du budget primitif en avril. Ces recettes supplémentaires nous permettent d'augmenter nos provisions dédiées au remboursement des emprunts in fine, dont tout le monde se félicitera, j'imagine. Pour rappel, il s'agit de 3 emprunts dont les échéances s'échelonnent jusqu'en 2035. En augmentant nos provisions, nous atteindrons ainsi près de 3 millions d'euros de provisions totales cette année. Pour rappel également, les années de remboursement de ces emprunts in fine seront des années blanches pour le remboursement de tous les emprunts nouvellement souscrits. Plusieurs dotations de l'État font également l'objet d'ajustements. C'est le cas pour la dotation de solidarité urbaine, pour la dotation nationale de péréquation ou de certaines compensations fiscales. Du côté des investissements, la délibération qui vous est proposée permet de refléter l'avancée réelle de plusieurs chantiers. 150 000 euros supplémentaires pour le projet briqueterie sur lequel nous nous sommes déjà prononcés ce soir. Il permet d'intégrer les frais du concours d'architectes et le lancement de la maîtrise d'œuvre. Nous continuons d'investir massivement sur le centre de vacances d'Oléron en ajoutant 200 000 euros supplémentaires pour compléter les travaux déjà effectués et ainsi retrouver une capacité d'accueil de 80 enfants en simultané. Nous ajustons également les crédits dédiés à la construction de la salle de combat des Malassis afin de coller à l'échéancier transmis par Est Ensemble, sachant que par ailleurs, l'Agence nationale de rénovation urbaine a accepté de basculer les crédits prévus initialement pour la crèche sans paix sur cette opération. La décision modificative proposée nous permet d'intégrer plusieurs dépenses de fonctionnement sans remettre en cause l'équilibre général du budget, l'augmentation du nombre de bénéficiaires des titres restaurants, dispositif mis en place cette année et globalement apprécié par les agents de la collectivité. Pour couper court aux mauvaises langues qui ne savent pas lire un budget de la collectivité, les crédits apparaissent en dépenses et pour partie en recettes puisqu'il faut intégrer sur la participation des agents prélevés sur les fiches de paie. L'intégration du contentieux mené par le syndicat intercommunal Autolib Vélib, il était possible d'échelonner la dette de la ville comme celle des autres collectivités sur plusieurs années, le choix est fait de solder, dès cette décision modificative, l'ensemble de la somme qui sera versée à l'ancien concessionnaire Autolib. L'intégralité des dépenses nouvelles sont compensées par des recettes nouvelles. En conclusion, cette décision modificative n'est pas un nouveau budget, mais bien une étape dans la réalisation du budget 2025. Elle nous permet d'adapter notre trajectoire budgétaire, de conforter nos marges de manœuvre, de continuer à provisionner pour le remboursement des emprunts in fine, tout en assurant la continuité des projets structurants pour notre ville. Et il vous est proposé d'intégrer un amendement, la subvention exceptionnelle de 20 000 euros pour le théâtre de l'Échangeur. Monsieur Vionnet. Déjà une petite question préalable par rapport à ce que vous venez de dire. La subvention exceptionnelle pour le théâtre de l'Échangeur fait l'objet d'un vote à part, comme vous l'avez remis sur table. On vote l'amendement et ensuite elle est intégrée Et l'amendement est voté séparément. D'abord l'amendement, tout à fait. Absolument. Okay. Donc, comme nous l'avons dit, ça, il n'y a pas de débat tout à l'heure, nous voterons l'amendement relatif au théâtre de l'Échangeur. En revanche, et comme vous l'avez dit vous-même, une décision modificative n'est pas un nouveau budget, elle est un ajustement du budget. Donc notre groupe d'opposition, qui est cohérent normalement, a voté contre l'ensemble des budgets que vous avez proposés depuis le début de la mandature, parce que nous n'en partageons pas les orientations ni les modalités financières. Nous avons de nouveau voté contre le budget 2025, donc nous voterons, comme nous l'avons fait les années précédentes, contre cette décision modificative. Et on le fait d'autant plus que j'ai quand même l'impression que dans cette décision modificative, il y a quand même un tour de passe-passe pour parler gentiment. Puisque, comme chaque année, depuis votre élection, dans notre ville, qui est pourtant la plus endettée de France que tout le monde connaît, non. Vous avez proposé chaque année de contracter de nouveaux prêts. Cette année, dans le budget qui a été examiné récemment, c'est donc un nouveau prêt de 3 millions d'euros. Or, les éléments, parce que là, il y a quand même des éléments sur le budget de fonctionnement dans cette décision modificative qui ne sont pas des petits éléments habituels, parce que d'habitude, dans une DM, on constate que telle chose coûte un petit peu plus cher, telle chose un petit peu moins cher, et tout ça se rééquilibre. Là, il y a quand même deux masses significatives. Il y a les 1 700 000 et quelques mille liés au FCTVA. Alors, sur cette première chose, ce n'est pas une recette imprévue, puisque je ne vais pas donner à cette heure-là un cours de comptabilité publique, mais pour dire des choses un peu simplement, les collectivités payent, contrairement à nous citoyens, payent leurs investissements hors taxes, mais en fait, ça passe par un mécanisme un petit peu plus compliqué où elles payent la TVA qui leur est compensée. Le FCTVA, ça veut dire fonds de compensation de la TVA qui leur est compensée. Donc, ce n'est pas une recette imprévue, c'est un mécanisme automatique. Et d'ailleurs, depuis, si mes souvenirs sont bons, la loi de finances 2021, les services des finances publiques de l'État ont même simplifié les modalités, puisqu'ils ont créé un logiciel qui permet à toute collectivité publique de calculer en amont ce qu'elles vont toucher en FCTVA. Donc, au moment où vous avez engagé l'opération Pêche d'Or, je vous ferai pas l'insulte, et encore moins au service, de considérer que vous ne l'aviez pas calculé, donc vous connaissiez le montant de FCTVA. Et donc là, de dire par prudence, on n'a pas compté une recette d'1 700 000 et quelques, cette compensation est certaine et automatique. Et puis, deuxième point significatif, il y a plus d'1 million d'euros de décalage dans le financement du dojo, qui est intégré dans le projet de la piscine d'Est-Ensemble dont on a parlé tout à l'heure. Sauf erreur de ma part, il me semble, et le président Bessac l'a dit lui-même, que ce projet respecte son planning. Et donc, normalement, sur un projet, parce qu'il y a des fois des dérives dans le temps des projets, sur un projet qui respecte son planning, le montant à payer sur l'exercice est normalement connu, puisqu'il n'y a pas eu de dérapage, donc pas d'imprévu. Tout ça pour dire que les deux additionnés, on approche les 3 millions d'euros. Et donc, on approche du montant du prêt. Donc, on peut aujourd'hui se poser la question, parce qu'un prêt, toute personne qui prend un prêt dans sa vie le sait, ça a un coût, ça a des intérêts, etc. En quoi, vu qu'il y avait près de 3 millions d'euros de mieux que ce que vous nous avez présenté au budget, était-il utile de contractualiser un nouveau prêt ? Tout ça me donne quand même un peu le sentiment d'un exercice budgétaire qui n'est ni sincère ni transparent. Et vous nous dites, et ça, vous avez dit par avance que nous approuverions cela, vous provisionnez pour le remboursement des prêts in fine. Comme dit le dicton, mieux vaut tard que jamais, puisqu'on en parle depuis des années de ces prêts in fine que vous avez contractés au début de votre premier mandat et qui amènent donc, comme chacun sait, à un montant d'environ 30 millions qu'il faudra rembourser en trois blocs sur trois exercices budgétaires. Vous n'avez pas provisionné depuis le début. Vous avez inscrit une première provision dans le dernier budget avant les municipales il y a quelques mois. Vous la majorez aujourd'hui très bien, mais c'est 1,6 million, hein, si je me souviens bien, de provisions que vous mettez. 1,4 million. Ou 1,4 million. On peut avoir le sentiment qu'elles sont en fait financées par le prêt et que c'est le prêt qui finance le remboursement d'autres prêts. Alors, on pourrait penser que votre raisonnement est exact, mais si. Il omet un élément important que quelqu'un comme vous, Monsieur Vionnet, ne saurait oublier, c'est que l'équipement Pêche d'Or Jacqueline Chenavel fait l'objet d'une maîtrise d'ouvrage déléguée. Ben, c'est quoi, nous ? Qui nous a amené régulièrement à des calages, des appels de fonds, un calage de manière directe, de manière indirecte, avec le trésor public pour caler ce qu'on devait verser. Et c'est ce qui explique que le montant du FCTVA que l'on a inscrit au budget primitif, je rappelle quand même qu'au moment du vote du budget primitif, vous avez été un certain nombre de m'expliquer que ce budget était insincère et qu'il n'était pas prudent. Là, vous m'accusez en gros d'avoir été trop prudent. Donc en fait, non, il y avait une maîtrise d'ouvrage déléguée, il fallait caler les dépenses avec le trésor public et avec Sequano Aménagement qui travaille avec nous sur le projet. De la même manière, sur le dojo, ce sont les appels de fonds d'Est-Ensemble qui sont tardifs et aujourd'hui on ne les a pas encore, donc on les inscrira. On inscrit les appels de fonds lorsqu'on les reçoit et qu'on les paye. Voyez, et par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure en introduction, l'ANRU ayant accepté de basculer les crédits qui étaient prévus auparavant sur la crèche sans paix qui n'est pas réalisée, puisque nous avons réaliser notre crèche avec les transferts d'activité du département, nous avons obtenu de l'ANRU que les subventions qui étaient prévues pour la crèche sans paix soient basculées sur le dojo qui n'était pas prévu initialement. Donc, Est-Ensemble va voir sa subvention augmenter pour le financement du dojo et les appels de fonds à destination de la ville vont diminuer. Tout ça en 2026. Voilà pour l'explication budgétaire, comptable et financière. Est-ce qu'il y a d'autres marques ? Ami Tchaïa. En fait, Pierre a pratiquement tout dit, ce que j'allais dire plus ou moins. Concernant la souscription, parce que je l'ai vu, elle est dans la décision du maire, là, où je vois 3 millions d'euros que vous avez pris en taux révisable, donc pas de taux fixe, donc qui veut dire systématiquement, s'il y a une hausse des taux, à ce jour, peut-être à 3 millions d'euros, mais les intérêts risquent d'augmenter à terme. Parce que vous avez pris Euribor 3 mois. Aujourd'hui, le Euribor 3 mois, il est à 2,02% avec une marge de 1,09. Donc, question, pourquoi on n'a pas négocié un prêt à taux fixe ? Donc, sachant que c'est plus sécurisé par rapport à ça. Je vois qu'il y a une commission de 6 000 euros. Donc, comme l'année dernière, on a fait un emprunt de 4,4 millions d'euros, on avait donné une commission de 26 000 euros. Donc, ça fait pas mal de commissions à ce niveau-là. Et pareil, je rejoins Pierre. Pour moi, sur la décision modificative, ce que j'ai noté, ça montre encore une tendance à la hausse des dépenses, avec plus de 3,3 millions d'euros supplémentaires, dont 2,1 millions en fonctionnement. Et l'endettement progresse encore, j'ai noté, de 1,6 million d'euros. Et en parallèle, la ville dépend de plus en plus des recettes exceptionnelles, comme je l'avais déjà dit auparavant, comme le FCTVA, comme a dit Pierre, le fonds de compensation de la TVA, ou les remboursements ponctuels, qui ne sont malheureusement pas des ressources durables. Donc moi, ma question, quelle stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement la ville compte-t-elle mettre en place d'ici le budget primitif 2026 pour éviter un nouveau déséquilibre? Pareil, vous nous demandez d'autoriser, de mandater des dépenses d'investissement avant le budget primitif 2026. Donc certes, vous demandez également cette autorisation d'un quart du budget d'investissement 2025, soit avec 4,4 millions d'euros, avant même le vote du budget primitif 2026. Certes, la loi vous permet cette autorisation, mais elle doit rester strictement encadrée. Et ce que j'avais rajouté aussi, c'est que ce que l'on constate dans l'ensemble, en fait, pour moi, c'est une tendance préoccupante, en fait, des dépenses qui augmentent, des décisions financières prises sans vision à long terme, et des crédits engagés avant débat. Pour ma part, je soutiens les projets structurants, mais refuse les engagements financiers anticipés sans cadre clair. Je plaide pour une gestion plutôt éthique, participative et tournée vers l'intérêt général. Et à force de le répéter, la ville finance ses investissements par des emprunts, comme l'avait dit Pierre, aggravant la dette existante. L'analyse des chiffres montre que les provisions sont insuffisantes pour couvrir les remboursements futurs. Et je rappelle ce qu'avait dit la Cour des comptes. Donc je suppose, je ne sais pas, est-ce que la Cour des comptes est passée récemment à la ville de Bagnolet? Ah non, non seulement elle est passée, mais on est en période de contrôle de la Chambre régionale des comptes. Ce n'est pas la Cour des comptes, ce n'est pas nous la Cour des comptes, l'Assemblée nationale. C'est la Chambre régionale des comptes qui vient tous les 5 ans. Tout à fait, donc en période actuellement là. Ils n'ont pas fini, si j'ai compris. Oui, c'est en cours. D'accord, ce n'est pas fini encore, ils sont encore ici. Non, parce que je n'étais pas au courant, donc je voulais savoir s'ils sont encore là ou pas. On m'avait dit qu'ils n'étaient plus là. Ah non, mais ils viennent. Ils viennent, ils repartent, ils demandent des documents, on leur transmet. D'accord, c'est comme ça. Oui, mais tout à fait, mais ils sont toujours là, actuellement, donc c'est pas fini. C'est pas qu'ils sont encore là, ils ne sont pas là. Ils viennent, ils prennent des rendez-vous, ils repartent, ils nous demandent des documents, donc le contrôle n'est pas terminé. Bien sûr. Donc, c'est en fait, c'est la même chose pour toutes les collectivités de France et de Navarre. Donc, pour en revenir, c'est que la Chambre régionale des comptes avait mis un risque évident majeur sur la solvabilité de la commune, hein, comme vous avez cité les trois emprunts in fine. Et comme m'avait dit Pierre, elle avait recommandé de mettre 1,59 million d'euros depuis 2015, sauf que depuis 2015, rien n'était provisionné. Et ce n'est qu'en 2018, on a fait une provision symbolique des 350 000 euros, qui a été mise en place pour un montant totalement insuffisant. Et c'est que maintenant qu'on commence à provisionner un peu plus, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Donc bon, l'autofinancement de la commune est aujourd'hui largement insuffisant pour assumer à la fois le remboursement de la dette et le financement du PPI, qui, je le rappelle, lors d'Europe 2025, on avait un projet de construction de l'école Paul Langevin avec 2,5 millions en 2024, 8 millions d'euros en 2025 et 8 millions d'euros en 2026. Et malheureusement, ce chiffre, comme je l'avais répété la dernière fois, est tombé à 400 000 euros. On ne sait pas pourquoi. Hein. On est passé de millions d'euros à milliers d'euros. Et j'avais fait le même constat pour le collège travail. Donc voilà. Donc moi, ma question, c'est, certes, nous ne pouvons pas autoriser la ville à engager des millions d'euros sans un plan clair. La rigueur financière n'est pas un frein, c'est plutôt une exigence démocratique. Et chaque euro dépensé doit servir concrètement les bagnoletaises et les bagnoletais. Bon, je veux redire tout simplement que notre rôle d'élu, c'est avant tout de défendre l'intérêt des habitants. Je ne suis pas contre la dépense publique, bien au contraire, mais je veux qu'elle serve les familles, les écoles, les associations, la solidarité et les biens communs, et que je défends une gestion tout simplement plus rigoureuse, responsable et humaine, surtout au service de ceux qui vivent, travaillent et s'engagent à Bagnolet. Parce qu'au fond, c'est à eux que nous devons rendre des comptes et c'est avec eux que nous devons bâtir la ville de demain. Voilà, ça. Merci. Alors, on va reprendre point par point. L'autorisation de liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le BP 2026. Donc, c'est une délibération qui existe dans toutes les collectivités de France et de Navarre qui n'adoptent pas leur budget avant le 31 décembre de l'année en cours. Donc, comme la plupart des collectivités votent leur budget en mars, toute la plupart des collectivités adoptent ce type de délibération de la même manière que nous délibérons pour le versement d'un compte de subvention aux associations. C'est le même principe. C'est la base de la comptabilité publique. Sur l'emprunt de 3 millions d'euros, effectivement, on a emprunté 3 millions d'euros pour la première fois en 11 ans. La Banque Postale a accepté de nous prêter 3 millions d'euros. Pourquoi la Banque Postale a accepté de nous prêter 3 millions d'euros ? Parce que nos ratios se sont améliorés, tout simplement. Que l'autofinancement net s'est amélioré, que l'autofinancement brut s'améliore et que la capacité de désendettement de la ville s'est améliorée puisqu'on est aujourd'hui à un niveau le plus bas depuis des années, puisqu'on est à 11 années et demie. Que l'an dernier, nous étions au double, qu'il y a 4 ans, nous étions à l'infini, qu'il y a 3 ans, nous étions à 80 années. Donc voilà, donc la situation s'améliore, elle est encore difficile, très difficile, mais c'est factuel en fait, ce sont les indicateurs de gestion. Mais pourquoi un emprunt à taux révisable et pas taux fixe ? Alors, on a emprunté de cette manière pour une chose simple, en fait. Il est à taux variable avec une possibilité de réajustement en cours en fonction de l'évolution des taux, tout simplement. Et donc, je m'étonne qu'un spécialiste comme vous, Amit Chahir, ne sache pas qu'on puisse renégocier les taux à un moment donné et que par moment, les taux sont plus favorables qu'à d'autres moments, tout simplement. Donc, il y aura bientôt voilà. Une pause des non, je ne vous ai pas interrompu. J'ai écouté votre intervention avec beaucoup d'attention parce qu'elle le vaut bien. Donc voilà. Donc, à un moment donné, la situation reste difficile, elle s'améliore. Donc, la dette qui est votre cheval de bataille, la dette diminue. Et vous avez dit vous-même à l'instant que l'année dernière, on a emprunté 4 millions. Cette année, on a emprunté 3. Il y a 3 ans, on a emprunté 7. Donc, chaque année, on emprunte moins. Chaque année, on est capable de mieux lisser nos dépenses, nos investissements en fonction de la réalité, de l'avancée des projets, tout simplement. Et donc, on essaye de maîtriser les dépenses de fonctionnement. On fait en sorte de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Et c'est ce qu'on fait. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire tout. En fait, dans un même groupe politique, on ne peut pas dire tout et son contraire, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on sert trop et de l'autre, qu'on dépense trop. Voilà. C'est à un moment donné, il faut vous coordonner, mais on essaye de tenir les dépenses. Et lorsqu'on fait des efforts, par exemple, et qu'on élargit aux agents de la propreté, de la direction de la propreté, le bénéfice des tickets des restaurants, on prend des mesures sociales concrètes, pas en parole, mais concrètes. Voilà ce que je pouvais dire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres remarques ? Jean-Claude Oliva. Oui, donc en cohérence avec notre vote contre le budget, nous n'approuverons pas, bien sûr, cette décision modificative. Et vous allez voter l'amendement sur le théâtre de l'échangeur ? Absolument. C'est bien. C'est un choix politique, bien sûr, c'est un signe politique. Ensuite, nous ne doutons pas que vous allez y avoir une majorité pour voter la décision modificative. Factuellement, sans être très long, ce qu'on voit dans cette décision modificative, quand même, avec cette décision modificative, c'est qu'on a des nouvelles provisions pour l'emprunt in fine, pour les emprunts in fine, de 1,584 000 euros, qui s'ajoutent aux 1,428,000 euros et quelques qui étaient déjà dans le budget primitif, que ça fait 3 millions. Donc 3 millions de provisions, on s'en réjouit, et que ça correspond exactement à l'emprunt qu'on fait cette année, qui est aussi de 3 millions. Et donc on ne peut pas s'empêcher factuellement de se dire que nous empruntons donc pour rembourser des emprunts. Et ce n'est pas la marque d'une situation financière très saine. Je veux faire ensuite un focus sur un point que j'ai vu là en lisant la décision modificative, chapitre 75. Il y a un excédent de gestion d'Est-Ensemble Habitat pour la résidence Anatole France de 80 310 000 euros, bon, qui sera reversé au budget communal. Je trouve ça indécent. Voilà, vu l'état de la cité, je pense que c'est... Je ne comprends pas qu'on prenne de l'argent sur Est-Ensemble Habitat, de cette cité en particulier, où il y a tant de besoins, y compris, je me souviens de l'Assemblée générale des habitants et du quartier à laquelle j'ai assisté en ce début d'année. Il n'y avait pas de porte dans les halls d'immeubles. Vous étiez engagé à mettre en place, est-ce que la ville, engagement de la ville, à refaire des portes vraiment sans attendre plus longtemps. Donc moi, je vous suggère d'utiliser ces 80 000 euros pour tenir l'engagement que vous avez pris devant les habitants au début d'année. Cher Jean-Claude Oliva, si on avait reconstruit la cité Anatole France comme je le proposais en 2017, opération démolition-reconstruction contre laquelle tu t'étais fortement mobilisé, on n'en serait pas là. Maintenant, on ne refait pas l'histoire. Donc, depuis des années, il y a un budget annexe à Est-Ensemble Habitat. Tu as siégé à l'OPH de Bagnolet par le passé, donc normalement, tu as dû examiner les comptes, les budgets primitifs, les comptes administratifs, et il y a toujours un résultat positif, en général, de l'excédent. Et crois-moi que les services de la ville, notamment la direction du patrimoine bâti, consacre de nombreux moyens pour la cité Anatole France. Mais je ne doute pas un seul instant que lorsque nous allons revoir les habitants d'ici la fin de l'année, tu soutiendras le projet que nous allons porter avec le bailleur, avec Est-Ensemble et avec l'État. Je n'en doute pas un seul instant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non, juste, parce que, excuse-moi, mais c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. S'il n'y a pas eu la rénovation il y a quelques années, c'est pas parce que les habitants du quartier s'y sont opposés. Ah, t'as c'est la parce que courte. Non, mais excuse-moi. Tu as la mémoire courte. Excuse-moi. Non, mais moi j'ai la mémoire. J'ai pas une mémoire d'éléphant, mais je me souviens de ça. Et en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que la ville de Bagnolet, qui était propriétaire de cette cité, n'a pas trouvé. Finalement, n'a pas trouvé l'OPH, voulu s'engager. Elle voulait vendre, la ville de Bagnolet voulait vendre, et elle n'a pas trouvé d'acheteur. Il n'y avait pas d'acheteur, il n'y avait pas de financement, et c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas l'opposition de quelques habitants du quartier, parce qu'en général, on n'en tient pas beaucoup compte de la vie des habitants des quartiers dans cette ville. Cher Jean-Claude, je ne sais pas si tu as une mémoire d'éléphant ou pas. Ce que tu oublies, c'est qu'à l'époque, CDC Habitat souhaitait racheter la résidence. Je pense que tu l'oublies fortement, et puisque c'était ça à l'époque, le sujet de l'opération démolition-reconstruction, c'était CDC Habitat qui rachetait le tout. Mais ça, tu l'as oublié. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Edith Félix. Oui, merci. Donc, on aimerait bien effectivement être d'accord avec le projet de rénovation du 82 Anatole France. Si c'est un bon projet. Et là, donc, on a fait des remarques sur la première version. Donc, on aimerait qu'il y ait effectivement une nouvelle présentation, des évolutions qui ont été portées au projet en fonction de ce qu'on a indiqué et qui n'était pas bon. Je peux le redire, ce qui n'était pas bon. Mais voilà. Donc, effectivement, moi, depuis qu'on s'est vu, j'attends qu'on ait une nouvelle discussion, une nouvelle présentation publique du projet ayant évolué en fonction des points qui nous paraissaient mauvais pour ce projet. Voilà. Donc on aimerait bien être tous d'accord pour effectivement accepter rapidement un projet de rénovation de ce résidence. Mais c'était quoi ce qui était mauvais pour le projet en fait ? En fait, là aujourd'hui, on a un sujet structurel et on aura l'occasion de le présenter. En fait, on a un sujet structurel sur le bâti. Voilà, tu vois. On n'en est pas à se dire est-ce qu'il faut un arbre en plus ou pas. Là, on est sur un sujet structurel. Et c'est ça qui nous inquiète avec Est-Ensemble Habitat. Oui, sur l'organisation générale, sur l'aménagement général, il y avait aussi des choses à voir. On aura l'occasion d'en parler avec les habitants qui sont quand même les premiers concernés. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? pas d'autres remarques. Donc, je vous propose de passer au vote sur l'amendement que l'on va appeler théâtre de l'échangeur, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et ensuite, nous votons l'ADM, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération suivante. Autorisation de liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le BP 2026. Donc, on en a parlé. Lorsque une collectivité ne vote pas son budget avant le 31 décembre de l'année en cours, elle est autorisée à prendre ce type de délibération. Et ce sera la même chose avec la subvention, les acomptes aux associations avant le vote du BP 2026. Ce sera le rapport numéro 15. Sur le 14, est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Pas de remarques, pas d'observations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 15. J'invite les élus potentiellement concernés à se déporter. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 16. Subvention à l'Association des jeunes pour le développement de Bagnolet, quartier fertile. Vincent Doux. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc, pour rappel, nous sommes à la quatrième année de notre convention avec la JDB, avec qui nous avons conventionné pour l'appel à projet quartier fertile, dénommé 4 saisons. Et dans le cadre de cette convention, il est versé à la JDB chaque année 14 000 euros. Et nous avons des copies annuelles durant lesquelles la JDB fait un bilan financier de la subvention qui est octroyée. Le dernier copil s'est déroulé le 7 octobre dernier. Et il vous est demandé de renouveler cette subvention à la JDB. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, Monsieur Vionnet ? Oui, nous voterons pour cette délibération pour au moins deux raisons. La première, c'est que toutes les démarches d'agriculture urbaine nous semblent intéressantes et importantes. En plus, on est dans une ville qui a un vrai passé en la matière, autour des vignes, des murs à pêche, des fleurs, qui a aussi un présent depuis un certain nombre d'années, avec notamment un certain nombre de ruches exploitées par des associations. Et donc, cette initiative, comme toutes les initiatives d'agriculture urbaine, on a évoqué Serre de Terre tout à l'heure, nous semble des initiatives à non seulement encourager, mais à renforcer. Je pense qu'il y a encore, des marges de développement dans notre ville sur ces sujets d'agriculture urbaine. Et puis le deuxième sujet, c'est que la deuxième raison, c'est qu'on est aussi dans une action qui, j'aime pas employer des mots anglo-saxons, mais qui relève un peu de l'empowerment, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans de la concertation, mais on a des habitants ou des structures associatives qui prennent elles-mêmes des initiatives et qui font elles-mêmes des choses. Et je pense que c'est aussi une dimension importante de la participation citoyenne, de mettre les habitants et les situations en position de producteur de réalisation et pas simplement en situation de concerter. Donc voilà pourquoi nous nous félicitons de cette initiative. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Engagement partenarial entre la ville de Bagnolet et le service de gestion comptable de Montreuil et la DDFIP. Il s'agit d'améliorer et de développer les partenariats avec les services fiscaux de l'État. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Et pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Décision relative à la correction sur exercice antérieur par l'utilisation du compte 1068. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, conseil médical interdépartemental, convention de paiement de médecins agréés. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention de mise à disposition d'agents de la ville vers la caisse des écoles. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus ? Pas de remarques ? Monsieur Vionnet, allez-y. Oui, comme nous le faisons d'habitude, nous nous abstiendrons là sur les évolutions du tableau des effectifs, hein, considérant qu'on n'a pas une visibilité suffisante. D'autant plus que là, c'est une mise à jour du tableau des effectifs qui est liée à la question notamment des avancements de grade. Moi, j'ai entendu chez plusieurs agents communaux des inquiétudes s'exprimer depuis déjà quelques semaines sur est-ce que tout ça se passe dans des conditions justes et équitables. J'ai pas les éléments, là je suis transparent, j'ai pas les éléments d'information qui me permettent d'affirmer des choses, mais je pense que dans le cadre de la confiance entre une équipe municipale et son personnel, vous auriez intérêt à développer un propos un peu anticipé sur cette question-là, sur la transparence, sur, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne peut pas bénéficier chaque année des avancements de grade, mais y compris qui permettent aux agents qui n'en bénéficient pas de se projeter avec des règles qui soient connues de tous. Je pense qu'en la matière, il y a des améliorations fortes à réfléchir. Écoutez, je pense que tout ça, ça fait l'objet de discussions. J'ai eu l'occasion de rencontrer notamment la CGT à deux reprises ces dernières semaines. Ça s'est passé de manière plutôt constructive, y compris sur ces questions de promotion. J'entends ce que vous dites. On va continuer en ce sens. Il y a d'autres marques. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Alors, formellement, il nous faut délibérer sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle au théâtre de l'échangeur. Donc, elle est intégrée à la DM, mais il nous faut formellement voter. Donc, je propose de voter. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté, c'est approuvé. Ensuite, convention entre la ville et le casque, ce que ça appelle des remarques. Pas de remarque. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante. Donc nous avons deux garanties d'emprunt Édouard de Noël dans le cadre du passage des Italiens qui 3F et en cas du Pénarcade avec Villoggia. Ouais, merci. Je pense pas que ces deux délibérations appelleront beaucoup de commentaires, mais étant donné qu'une des deux concerne le PNR-CAD, je pense qu'il n'est pas complètement inutile de revenir sur l'épisode du début du Conseil municipal, puisque les personnes expulsées ce matin du squat du 184 rue Étienne-Marcel sont sur une parcelle qui est une parcelle PNR-CAD. Pour quelle raison mon nom est sorti des tribunes? Pour une raison très simple, c'est que nous sommes plusieurs élus, le maire de Bagnolet, mais aussi le maire de Montreuil, des élus de Montreuil et des élus de Bagnolet, à avoir été sollicités à plusieurs reprises au début de l'année 2025 par courriel sur cette situation qui, au demeurant, existait depuis déjà plus de 2 ans. C'est peu dire qu'ils n'ont pas été... très écoutés. Il se trouve que j'étais le seul élu à leur proposer au moins d'entendre ce qu'ils avaient à dire, de savoir qui ils étaient, quels étaient leurs parcours de vie, etc. Et il me semble que le minimum de l'humanité, c'était de ne pas répondre uniquement par courriel. Voilà. À l'issue de ça, j'ai adressé un courriel au maire de Bagnolet pour lui proposer qu'on réfléchisse collectivement à voir si on avait les moyens transitoirement d'aider ces personnes, étant entendu que ce sont des situations extrêmement difficiles, que l'État laisse très esseler les collectivités territoriales, et on le voit partout. Et effectivement, la ville de Bagnolet a peu de moyens. Pour autant, c'était une proposition d'ouverture du dialogue. Alors, moi, je m'étonne qu'Édouard de Noël, quelques mois avant les élections, alors qu'il porte ce projet de PNR-CAD avec force et conviction depuis le début du mandat, se rende compte qu'il est à Étienne-Marcel et au 184 et qu'il se rende compte qu'elle est squattée depuis 3 ans. Donc je trouve ça assez formidable. Et les questions d'humanité, cher Édouard, je t'invite à te les appliquer à toi-même. Parfait. Sur ce, quelques éléments. Monsieur Vionnet, allez-y. Je ne sais pas, c'est pas moi qui distribue la parole, donc si tu veux parler avant. Non, juste déjà factuellement, sur la délibération, comme nous le faisons toujours pour les garanties d'emprunt destinées à du logement social, a fortiori dans un périmètre de PNR-CAD, nous voterons favorablement à cette délibération. Sur la situation qui est évoquée et qui a fait l'objet du début du conseil municipal, il se trouve que nous, élus d'opposition, n'étions pas dans la boucle des échanges mails que vous évoquez. Donc nous avons découvert la situation tout à l'heure. Il y a sans aucun doute des situations de grande précarité. Et je pense que ça serait bien que ces gens ne se retrouvent pas otages de vos parties de ping-pong. Absolument. On cherche des solutions. On travaille à des solutions concrètes. C'est-à-dire il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Cédric. Justement, vous me coupez l'herbe sous le pied. Manque d'humanité. Je pense que tes propos sont extrêmement durs, mais on est habitué avec toi, Edouard. Maintenant, il y avait des présidents de groupe tout à l'heure à La Réunion. Il y avait plusieurs élus à La Réunion. Et ils ont pu voir, en fait, je pense, son vrai visage. C'est-à-dire que pour parler au conseil municipal, pour communiquer avec la population via les vidéos, pour porter la belle parole. Là, on peut compter sur toi. Par contre, tout à l'heure, en réunion, alors que justement, on cherchait des solutions, de façon concrète, M. Vionnet était là, il peut en attester, sur des situations extrêmement compliquées, extrêmement complexes, avec des hommes qui racontent leur parcours, avec une femme, avec son enfant, au bout de la table, et qui regarde le maire droit dans les yeux pour leur dire « mais comment on fait ?» Et le maire, à ce moment-là, il est bien abandonné parce que l'État n'est pas là. Mais surtout, tu n'étais pas là. Parce que je n'ai pas du tout le souvenir, mais pas du tout le souvenir que tu aies prononcé un seul mot, alors que là, ta langue est bien pendue. Alors, oui, trois éléments, s'il vous plaît. La première chose, c'est que tout le monde sait que le PNR-CAD précède notre arrivée, en tout cas mon arrivée à moi, aux responsabilités. Et c'est bien volontiers que j'ai pu suivre cela. Et je n'ai rien découvert du tout. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est que quand des personnes qui sont vulnérables écrivent qu'elles n'ont pas de réponse, il me semble que c'était la moindre des choses que de les accueillir. Et oui, c'est davantage d'humanité, c'est pas un reproche, c'est davantage d'humanité que de les recevoir. Le troisième élément que vous omettez de dire, c'est que dans le mail que j'ai adressé au maire, c'était un mail qui commençait par saluer ce qui avait été fait préalablement avec le collectif des Barras. Donc ça n'était pas un propos polémique, c'était un propos constructif, que c'est été ensuite balayé d'un revers de main. Ce sont des choses qui arrivent. On peut dire je ne peux pas, on peut dire je ne suis pas en capacité de faire, on peut dire je n'ai pas envie de discuter avec vous. En tout état de cause, c'était un mail constructif. Saluer ce qui a été fait par les Barras, demander si on pouvait réfléchir collectivement sur la façon d'accompagner ces personnes. C'est tout, ça s'arrête là. Les vidéos, les etc., ça n'entre pas en ligne de compte. Si je n'ai rien dit là-haut, c'est parce que vous êtes arrivé avec une liste d'hôtels, voilà, que, a priori, ces personnes n'avaient pas, qu'il y a des questions qui sont posées pour elles sur qui était inscrit, qui n'était pas inscrit. Vous avez proposé de les revoir ensuite. En tant qu'élu, on a reçu un mail là pour nous dire qu'il y aurait une rencontre. Très bien. Mais, monsieur de Noël, vous m'avez écrit le 11 mai 2025. Le bâtiment est squatté depuis 2022. Je vous ai répondu de manière précise et circonstanciée le 14 mai 2025. Je n'ai pas le sentiment d'avoir balayé votre question d'un revers de main. Et donc, effectivement, vos leçons d'humanité, vous les gardez pour vous, cher monsieur de Noël. J'ai le droit de répondre, vous. Ah oui, vous avez le droit. Monsieur le maire, je veux dire un mot. Pardon ? Par ici. Pardon, Mohamed, vas-y. Non, non. Je veux juste reprendre ce qu'a dit notre coprésident du groupe, Pierre. Honnêtement et sincèrement, j'aimerais que ce qui s'est passé ce soir, en début de conseil, avec toutes les personnes qui étaient là, ne soit pas utilisé dans le cadre de cette campagne de municipale. Qu'on ne prenne pas en otage ces gens-là. Parce que j'ai vu qu'il y avait une équipe de télé... qui était là. Oui. J'espère qu'elle n'utilisera pas. Il y a encore un apprenti caméraman qui est là. En fait, monsieur, vous savez, le conseil municipal est filmé. Il est en ligne, il est filmé en direct, donc ce n'est pas forcément utile de filmer, puisque c'est déjà filmé. Non, juste pour finir, j'espère qu'on n'utilisera pas ces images dans le cadre de cette campagne des municipales. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Non, ce n'est pas les gens de la maison. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Donc, sur la première garantie d'emprunt, qui est pour M. Oliva ? Quand même, moi du coup, je réagis à ce qui s'est passé là depuis le début du conseil municipal. Moi, je trouve que la proposition de réfléchir collectivement à ce sujet, elle est encore à l'ordre du jour. Parce que ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que voilà, ces personnes, on leur propose quelque chose dans l'urgence, quelques jours dans un hôtel. Je vois que les hôtels, alors qu'il y a quand même beaucoup d'hôtels à Bagnolet, les hôtels qui leur sont proposés sont très loin de Bagnolet. C'est à Sevran, c'est à La Courneuve, c'est à Saint-Denis. Bon, voilà, on cherche à les éloigner, à se débarrasser d'eux. Et on dit alors après, moi je suis d'accord sur le constat. Excuse-moi, Cédric. Ah, le nouveau je suis d'accord. Parler, le nouveau je suis d'accord. Le nouveau tel, c'est à 500 mètres d'ici. Hein. Moi, j'ai vu la liste, j'ai vu la première liste. S'il y a eu des changements depuis, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Voilà. Mais bon. Et après, la question, je sais bien que le maire, la ville est esselée, que l'État ne fait rien, etc. OK, on le sait. Mais okay. Est-ce qu'on peut ouvrir une porte? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Est-ce qu'on peut trouver... Parce que ces gens-là, dans une semaine, ils vont être à la rue comme il était aujourd'hui. Mais on réfléchit, cher Jean-Claude Oliva, on réfléchit. On réfléchit. Et on va trouver. Est-ce qu'il y a d'autres marques? Monsieur Vionnet. Oui, si je peux me permettre juste rapidement, je ne vais pas réitérer ce qu'a dit mon collègue Mohamed, mais effectivement, je pense que ça devient très gênant... Ce sentiment que le malheur de personnes est exploité dans une pré-campagne électorale. Et moi, j'ai découvert tout à l'heure, comme les autres présidents de groupe, j'ai découvert la situation, j'ai découvert la liste, etc. J'ai pas le recul sur ce dossier qui me permet nécessairement d'affirmer des choses de manière péremptoire, ce que je fais pas quand je n'ai pas les éléments en main. Par contre, ce qui me semble important, c'est qu'on est, puisqu'on a tenu cette réunion des présidents de groupe avec ces gens expulsés ce matin, c'est qu'on ait quand même un droit de suite. Écoutez, je les reçois. Attendez, vous me laissez je les reçois. Juste, non, je vais dans votre sens. Je les reçois lundi à 16h. Vous êtes les bienvenus. Venez. Ce que je voulais juste demander, c'est qu'il y a un droit de suite. Un certain nombre ont dit qu'ils avaient des demandes de logement. Je ne sais pas si les dates qu'ils ont données sont exactes ou pas, mais qu'on ait un droit de suite dans la situation parce qu'on avait des situations de détresse. Et je pense que il est important qu'on regarde concrètement des solutions. Vous avez raison. Je les reçois. Ça vous a été écrit pendant le conseil municipal lundi à 16h. Les présidents de groupe sont les bienvenus. Voilà, je ne peux pas faire plus. Et Jean-Claude Oliva, je trouve que tes propos sont absolument honteux. Dire qu'on cherche à les faire partir. En fait, on cherche à faire partir personne. C'est la Soreca qui reloge. C'est ce que c'est la Soreca ? C'est la Soreca qui reloge. C'est la Soreca qui a trouvé les hôtels dans les villes qui étaient fixées ici. C'est la Soreca qui a mené avec les huissiers et avec les forces de l'ordre le recensement des personnes. Et s'il y a des personnes qui sont parties entre-temps, c'est la ville de Bagnolet qui va reloger 11 personnes au Novotel. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'en prenant en charge 11 personnes au Novotel, je les fasse partir. Maintenant, tu peux aussi les accueillir dans ton jardin. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Vassindou. Merci, monsieur le maire. Donc. Et pardon, mais je rappelle juste un truc. La présidente de la Soreca, tu la connais. Est-ce que tu la connais, la présidente de la Soreca ? Elle s'appelle Nathalie Macquoy. Oui, juste pour dire qu'on ne peut pas être solidaire de cette situation que vivent ces personnes-là. Mais deux éléments, hein, pour avoir pu échanger avec quelques-uns d'entre eux, qui me disent qu'ils sont incités par des soutiens pour venir foutre un peu le bordel. Et puis j'ai pu vérifier aussi pour certains d'entre eux, la demande de logement, ils sont surtout domiciliés à Paris. Donc je veux bien qu'on puisse se pencher sur ces situations-là, mais à un moment donné, il faut aussi de la cohérence, quoi. Il y a beaucoup de demandes de logement à Bagnolet. C'est des demandes plutôt récentes. Je ne suis pas sûr que Bagnolet soit en capacité de loger toutes ces personnes-là. Il y a eu un précédent. Il y a des femmes qui ont été logées il y a quelques années au gymnase de Renault, à qui on a proposé des relogements dans les villes de province, qui ont refusé. On va les rencontrer, c'est tout à fait normal, on est solidaires, mais on ne pourra pas tout régler non plus, quoi. C'est aussi cela, la cohérence politique. Nous ne sommes pas là pour choisir les calendriers. L'expulsion a eu lieu ce matin, ça n'est pas un ping-pong politique, c'est uniquement suivre la situation de ces personnes. C'est d'ailleurs étrange de vouloir ramener ça à la politique. Les avoir vus en mai, alors qu'ils demandaient depuis plusieurs semaines à être reçus, c'était normal. Faire des propositions constructives, c'était normal. Je ne les ai pas exhibées. J'ai envoyé un mail au maire et un certain nombre d'élus, je ne sais plus qui, ceux de mon groupe. C'est tout. Ça n'est pas du ping-pong politique, c'est des êtres humains. En fait, il faut être totalement transparent. C'est qu'il y a des gens qui s'opposent à l'opération de construction au 182 Étienne Marcel. C'est ça la réalité. C'est qu'il y a eu des preuves, il y a eu des recours contentieux. Les gens ont été déboutés et on m'a écrit, comme on a écrit à toi, cher Édouard de Noël, pourquoi tu ne parles pas de ce courrier-là où des gens nous disent que c'est un projet hors du temps, donc c'est en fait construire 22 logements, 9 logements sociaux, 12 ou 13 en PSLA, c'est hors du temps. Parce qu'en fait, il y a des gens, dont on connaît certains très bien, qui ne veulent pas de logements sociaux, qui ne veulent pas de construction derrière chez eux. C'est ça la vérité. Donc en fait, à un moment donné, c'est bien de jouer. Mais là, maintenant, on arrête de jouer. Donc là, maintenant, on va arrêter de jouer. Je te le dis très tranquillement. Mamadou. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je voulais intervenir sur la situation parce que, franchement, je vois des échanges un petit peu de ping-pong, comme disait monsieur Violet. Et monsieur Mohamed, j'ai oublié son nom de famille. Génan, ouais. C'est tout à votre honneur. Qu'on ne fasse pas de la récupération politique sur la dignité humaine, s'il vous plaît. Parce que, honnêtement, monsieur le maire l'a dit, il les reçoit lundi dans son bureau. Ceux qui veulent s'associer à cette décision pour les aider, bah, vous êtes les bienvenus. Vous y allez et puis on essaie de trouver des solutions pour les reloger. Mais prendre le micro pour parler au conseil municipal, pour faire style, on est pour ces personnes-là, c'est derrière, en fait. L'action se passe réellement en dehors des caméras, derrière les caméras. Donc ça ne sert à rien de faire du boucan pour faire semblant qu'on fait quelque chose. Ça ne sert à rien. S'il vous plaît, venons, on continue le conseil et qu'on arrête de faire la récupération. Merci. Édouard de Noël. Déjà pour intervenir, parce que je ne vais pas me laisser parler comme le maire vient de le faire, je trouve que sortir de ses gonds de cette manière, ce n'est pas à la hauteur. Le deuxième élément, c'est que je pense que le PNR4, je l'ai présenté à plusieurs reprises dans ce conseil municipal. Donc, essayer de faire croire après qu'il y aurait une manœuvre dilatoire, etc., ça n'est absolument pas bon. Et puis, le dernier élément. Je le dis et je maintiens, d'accord. Il y a une manœuvre dilatoire, bien sûr. Et le dernier élément, c'est pas les riverains de la rue Étienne-Dolay qui ont fait rentrer ces personnes dans le squat. Bon, le dernier élément, c'est qu'effectivement, effectivement, c'est un endroit de tension. La place de la fraternité s'est notoirement densifiée, notamment du côté de Montreuil. Il y a des besoins d'espaces verts dans le quartier. Il y a des tensions entre besoins d'espaces verts, besoin de logements sociaux, besoin d'hébergement, besoin de cellules commerciales. Donc c'est normal qu'il y ait des débats et le projet a avancé. Non, mais en fait, mais c'est là toute la contradiction, en fait. C'est que on a demandé au président de l'Est-Ensemble d'abandonner le projet sur lequel tu t'es mobilisé, si j'entends ce que tu dis. Donc, en fait, à un moment donné, il faut sortir des postures. Et il ne faut pas essayer de se servir de prétexte, parce qu'en fait, le bâtiment du 184 Étienne Marcel, il a été squatté quand ? Il a été squatté après les multiples réunions publiques avec la population, avec les habitants des Coutures. Il a été squatté après les 3 réunions de concertation au 2e étage de la mairie avec les riverains directement concernés. Et il a été squatté après que la population ait accepté en réunion de concertation le projet tel que validé. Donc voilà, après, factuellement, on est en droit de s'interroger. Tu vois, Vassindou a pris le temps d'échanger avec certains des résidents du bâtiment. T'en parles avec le cœur. Mamadou t'en parle avec le cœur. C'est qu'à un moment donné, l'humanité, elle n'est pas à géométrie variable, cher Édouard de Noël. En tout état de cause, moi, je me félicite que tu nous encourages à poursuivre ce beau projet sur le 182 Étienne Marcel. Et je ne doute pas un seul instant que tu iras l'expliquer à tes amis insoumis de la rue Étienne Dolay. Moi, je prends ça de manière très positive ce soir. Et on va faire en sorte d'accompagner les gens qui sont vraiment en grande difficulté. Donc, je vous propose de passer au vote sur la garantie d'emprunt, passage des Italiens, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Sur la garantie d'emprunt, Villogia, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. L'aide aux maires bâtisseurs. Édouard de Noël. Il s'agit d'un dispositif dans la loi de finances 25 intégré au fonds vert qui, entre guillemets, récompense financièrement les villes pour le bâti. En l'occurrence, là, sur avril 25, avril 26, 1880 mises en chantier avec unité, avec 1 000 à 2 000 euros de rémunération, entre guillemets, ville. Pour chacune des unités créées avec des bonus. Le but du jeu, faire construire du neuf. Et il me manque un élément. Et vous verrez dans la note les critères qui sont à retenir. En l'occurrence, les constructions qui ont été identifiées là sont celles de logements étudiants, logements jeunes actifs et co-living. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Lyonnais? Oui, on a un peu débattu au sein du groupe de notre vote. Comme il y a potentiellement une possibilité de recette pour la ville, nous voterons favorablement, sans pour autant que le contenu de ce qui est décrit là nous convainque totalement, parce que notamment, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que sur 1880 logements, on a 1755 logements qui sont en résidence gérée, donc essentiellement de la résidence étudiante. Moi, on n'a évidemment rien contre faire du logement étudiant, il en faut. Mais quand on a une programmation qui est à ce point-là orientée sur des résidences gérées, dont on sait que c'est des produits, avantage fiscal, hein, que c'est des gens de toute la France qui achètent des logements parce que ça provoque des abattements d'impôts, cette proportion pose quand même question, parce que ça veut dire que concrètement, la production de logements sur la ville est, dans une masse énorme, pas destinée à des familles bagnoletaises. C'est ni du logement social, ni du logement qui permet de l'accession à la propriété de familles bagnoletaises. Donc encore, je le dis, on n'est pas contre le logement étudiant, mais je pense que là, il y a un rapport de proportion qui est un peu préoccupant. Merci. Écoutez, on partage votre vision, puisque dans les études, dans les réunions d'urbanisme qu'on peut avoir en ce moment avec la directrice que vous connaissez, parce que vous avez pu discuter avec elle lors de réunions publiques, en l'occurrence Élise Vincent, les services ont fait une projection et on devrait arriver à 4000 logements étudiants si tous les programmes sortent en temps et en heure. Et on a décidé de ne plus donner d'accord aux promoteurs pour construire de nouvelles résidences étudiantes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je suis ravi que vous me rejoigniez, mais voilà. Mais là, aujourd'hui, les faits qu'on observe sont ceux-là. Et puis, les modifications, je pense que les modifications légales que les derniers gouvernements ont introduites et qui suppriment les dispositifs d'amortissement fiscal vont aussi calmer nationalement la production de ce type de logement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Convention avec l'ADIL, Édouard de Noël. Donc c'est une convention annuelle qu'on a depuis 11 ans avec l'Agence départementale d'information sur le logement, avec des juristes qui sont présents 3 mardis par mois pour des permanences généralistes, mais aussi pour des permanences spécifiques d'ALO. Et il y a dans cette convention 33 nouvelles permanences sur 2025-2026 pour un montant d'un peu plus de 11 000 euros à la charge de la ville. Des remarques, des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Actualisation de la charte territoriale de relogement des projets de renouvellement urbain. Mamadou. Merci, Monsieur le maire. Comme j'ai expliqué, c'est juste une remise à niveau. On était en gestion en unité et là, on repasse en gestion en flux, se mettre au niveau de la loi. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Cédric. Deux délibérations, deux rapports. Donc la première, c'est la ville de Bagnolet, pour rappel, est actionnaire de la SAEM Sequano. Dans ce cadre, il est obligatoire de vous présenter son rapport annuel pour l'exercice 2024. Donc ça, c'est le côté juridique. Maintenant, ce qu'on peut en tirer comme information au niveau local, c'est que cette SAEM porte deux opérations, la CPA Lanou, qui a été clôturée en décembre 2024, et c'est pour ça que ça apparaît, et la construction d'un village d'artisans, qui est rue Jean-Lolivant. Maintenant, alors on peut déjà voter pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Vionnet? Mais notre position de vote sur les deux délibérations, qui ne sera pas la même, puisque nous votons favorablement au rapport de la société publique locale, qui est celle qui met en œuvre des concessions d'aménagement public. Et nous nous abstiendrons sur celle de la Société anonyme d'économie mixte, parce qu'y compris quand on lit le texte, je ne vais pas à cette heure tardive réouvrir les débats qu'on a eus sur le terrain Pif le chien, mais quand on lit le texte, ils écrivent que le déséquilibre financier donc de la SAEM sera compensé par un résultat financier estimé à 792 000 euros résultant des marges de deux opérations de copromotion, la première étant le Village Business. Donc, voilà. On avait eu l'occasion de dire que le terrain avait été vendu peu cher, mais visiblement, Sequano fait de belles marges à Bagnolet. Donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Alors, du coup, je présente la seconde, parce que vous avez un peu empiété sur la deuxième. Donc j'avais cru que vous les aviez présentées en bloc. D'accord. Donc la ville de Bagnolet, donc côté SPL, est actionnaire de la SPL Sequano Grand Paris. C'est le même exercice. Donc dans ce cadre-là, il est obligatoire aussi de vous présenter le rapport annuel de l'exercice 2024, au-delà de l'aspect juridique. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, cette SPL intervient notamment dans la très grande opération d'aménagement du NPNRU, donc dans les deux quartiers des Malassis et de Lanou, avec d'un côté, je le rappelle, mais c'est bien de le rappeler, la destruction totale de la dalle des Malassis et de l'autre, la réhabilitation de la dalle sur Lanou. Et j'en profite aussi, en dernier mot, pour vous dire que les premiers travaux ont débuté, comme vous l'avez constaté, et cela va s'accélérer avec la casse de la première moitié de la dalle Maurice Thorez avant la fin de l'année. Et il y a aussi une autre intervention de la SPL Sequano, et non des moindres, parce que ça définit l'avenir de Bagnolet au point de vue de l'urbanisme, c'est le mandat d'étude pour le secteur Gallieni République Fraternité, dont deux réunions publiques ont déjà été faites en 2024. Des remarques, des observations? Alors on délibère sur la première délib, la SAEM, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Ensuite sur la SPL, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Nouvelle convention avec l'EPFIF, Cédric. Alors l'EPFIF, c'est-à-dire l'EPF d'Île-de-France, a pour compétence, pour rappel, d'opérer publiquement le portage de terrain en coordination avec la mairie. Son rôle est donc stratégique dans l'aménagement du territoire. L'EPFIF intervient sur la commune depuis 2009. Suite à deux avenants, son action a été assurée jusqu'à la fin 2025. Et son enveloppe budgétaire actuelle est de 26 millions d'euros. Son intervention, entre parenthèses, jusqu'à maintenant, a permis de créer 115 logements, dont 45 à vocation sociale. Au vu de l'ambition politique du développement de la ville et des différentes études d'urbanisme, il nous a paru opportun de renégocier cette convention qui nous lie à l'EPFIF afin d'accompagner au mieux nos futures actions. Ainsi, la ville a sollicité et obtenu de la part de l'EPFIF pour les 5 prochaines années. Eh bien, d'une part, une augmentation significative de son engagement financier est de passer de 26 à 50 millions d'euros, donc tout simplement le double, et une intervention élargie sur l'ensemble de la commune. C'est donc, pour nous, une très bonne nouvelle. L'EPFIF est un outil formidable pour stopper l'appétit des promoteurs privés qui ne manquent jamais d'imagination. Cela va permettre tranquillement de dérouler une stratégie de transformation du territoire. Et je tiens à remercier notre partenaire l'EPFIF et les équipes du territoire et de la ville qui ont énormément travaillé pour obtenir ces résultats. Des remarques, des observations, Monsieur Lyonnais? Oui, notre groupe votera tout à fait favorablement à cette délibération. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, la première convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, dont le but est d'acheter des terrains pour le compte de la puissance publique, avait été signé sous le maire précédent. Cette convention s'est déroulée. Il est très positif qu'elle soit renouvelée et majorée. Donc, nous voterons favorablement. Merci. D'autres remarques? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Acte de rétrocession concernant un délaissé foncier de 14 mètres carrés. C'est une note très technique et tout a été dit. Donc, pour moi, il n'y a pas de présentation plus profonde. Des remarques, des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Dérogation au repos dominical. Jules Ragneau. Oui, bonjour, merci. Alors, pour des personnes de gauche, ça fait toujours un peu mal, entre guillemets, de déroger au repos dominical. Donc, c'est pas forcément un truc plus marrant, mais sachant que on donne 5 dimanches alors qu'on pourrait en donner 2 fois plus. Voilà, j'ai rien à argumenter de plus. Merci. Merci. Des remarques, Mohamed? Merci. Donc, comme chaque année, il nous est demandé de nous prononcer sur les dérogations au repos dominical. Et comme chaque année, on réaffirme une conviction simple et essentielle. Les salariés des enseignes marchandes ont aussi le droit à leur week-end, le droit de souffler, le droit de vivre, de profiter de leur famille, de leurs enfants et de leurs proches. Le droit de ne pas être condamné à courir d'un emploi précaire à un autre au rythme des ouvertures du samedi et du dimanche. Parce que derrière le mot dérogation, il y a une réalité bien concrète. Ce sont des femmes et des hommes qui travaillent dur, déjà, toute l'année, toute la semaine, souvent pour des salaires modestes et à qui l'on demande encore de renoncer à ce temps de repos, à ce temps de vie. Mais le dimanche n'est pas un jour comme les autres. C'est un repère collectif, un temps pour soi, pour les autres, pour la vie sociale, culturelle, familiale. C'est un espace de respiration dans une société qui n'en finit pas d'accélérer, de marchandiser, d'exiger toujours plus de disponibilité, toujours plus de rentabilité. Et nous le disons clairement, la société que nous voulons construire n'est pas celle où tout s'achète, où tout s'ouvre, où tout se vend, 7 jours sur 7. La société que nous voulons, c'est celle où chacun peut s'épanouir, où le travail n'écrase pas la vie, où le temps libre a du sens. Ce n'est pas être passéiste que de défendre le repos dominical, c'est au contraire défendre un équilibre humain, un temps commun dans un monde de plus en plus éclaté. C'est affirmer qu'il y a des valeurs qui valent plus que le chiffre d'affaires d'un week-end de solde. Et puis, soyons honnêtes, à qui profite cette course à l'ouverture permanente? Certainement pas aux salariés, pas non plus aux petits commerces de proximité. Ce sont toujours les mêmes grandes enseignes, les mêmes logiques de profit immédiat, les mêmes pressions sur les conditions de travail. Alors oui, une fois encore, nous ne voterons pas sa délibération par cohérence, par conviction et par respect pour celles et ceux qui font vivre ce pays par leur travail. Parce qu'un dimanche libéré, ce n'est pas une perte économique, c'est un gain humain, social et collectif. Et parce qu'au fond, ce débat dépasse les horaires d'ouverture. Il parle de la société que nous voulons, une société du lien, du partage, de la dignité, et non du travail sans fin ni limite. Merci. Merci. D'autres remarques? Donc, je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La délibération suivante, donc c'est l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs avec Sort de Terre dont nous avons parlé en début de conseil municipal. Il s'agit également de voter un amendement pour affiner la délibération qui était remise sur table. Donc, qui est pour approuver l'amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour approuver la convention d'objectifs? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. convention de partenariat avec l'Association des jeunes pour le développement à Bagnolet dans le cadre du projet 4 saisons Made in Tiex pour la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de propreté dans le quartier des Malassis. On parlait tout à l'heure de l'entretien d'espace vert. Là, maintenant, on va dans un autre sujet, c'est la propreté. Ça s'appelle des remarques. Pas de remarques ? Oui, non, même vote même et même position tout à l'heure. Très bien. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Subvention plan vélo triennal régional 2026-2029. Émilie Trigo. Merci. Très rapidement, il s'agit d'une double proposition dans cette délibération, celle de parler du plan triennal d'aménagement de certains tronçons pour sécuriser la pratique et renforcer le maillage cyclable et ou la desserte de pôle sur la ville, et en parallèle d'approuver la demande de subvention déposée auprès de la région Île-de-France pour aider sur ces travaux, et encore beaucoup plus rapidement, le plan triennal qui est proposé ici, c'est en 2026 de travailler sur l'axe Lénine-Marianne-Colombier pour un aménagement à hauteur d'1,2 million d'euros. En 2027, sur la rue Sadi-Carnot pour faire rejoindre le centre-ville et le Grand Chemin pour un montant de 790 000 euros. Et en 2028, de travailler sur l'axe Capsulerie-Robespierre qui permet de relier l'Anou au centre-ville pour un montant de 1,3 million d'euros. Merci, Madame Trigo. Merci, Émilie. Monsieur Stalins. Oui, simplement deux remarques, surtout que ce sujet a fait l'objet de pas mal de discussions, même de vidéos ces derniers temps. Et j'aimerais juste deux points sur lesquels j'aimerais revenir. C'est au mieux tard que jamais, à savoir que en dernière année de mandat, le confinement a eu lieu en 2020, l'attention à ce type de sujet et date maintenant, puisque beaucoup de villes se sont équipées dès 2020-2021 d'infrastructures en capacité de sécuriser les mobilités douces. On le fait maintenant, nous, en 2026. Donc, on peut mieux tard que jamais, mais c'est quand même très tardif. On aurait quand même pu s'intéresser à ce sujet bien avant. Vous avez eu le temps, en tout cas, de le faire. Et le deuxième point, c'est attention. Attention, justement, à des études sérieuses. Je pense qu'on a eu des sujets qui ont été traités ces derniers temps sur peut-être l'inadaptation des pistes qui ont été proposées sur l'avenue Grand Bêta, par exemple. Et j'attire votre attention justement sur toutes les structures qu'on va mettre en place, ne pas être dans la nécessité de recasser et de refaire. C'est de l'argent public. Donc j'espère que les études sont sérieuses et qu'elles vont pouvoir déboucher sur des travaux qui le seront tout autant. Voilà, je vous remercie. Madame Trigo. Si tu veux répondre directement. Non, mais oui, alors ça ne m'a pas échappé qu'il y avait quelques échanges de vidéos, dont certaines qui étaient un peu mensongères et qui laissaient à croire que l'aménagement de l'avenue Gambetta avait été fait en claquement de les doigts au cours de l'été à la va-vite par la ville et sans concertation, alors que ça n'aura quand même échappé à personne que c'est un aménagement du département dans un premier temps, et ensuite que les échanges avaient commencé dès 2024 entre les services de la ville et du département. Le fait est que, et là je vous rejoins, M. Stalins, qu'il y a certains résultats qui étaient à revoir et que nous avons aussi l'engagement du département pour retravailler sur notamment les chicanes, la visibilité des bordures et de l'aménagement et de certaines reprises à certains niveaux particulièrement repérés. Donc je vais vous dire le 142, c'est un peu abstrait quand on en parle comme ça. Mais oui, bien sûr, l'objectif c'est de continuer à travailler avec les partenaires qui sont les nôtres quand il s'agit de voies départementales et avec les partenaires associatifs comme les associations, ce qui, je vous rassure, avait été le cas parce que je les ai moi-même reçus au mois de juin dernier. Il n'aura pas échappé non plus que j'ai cette délégation depuis peu de temps. Donc je suis heureuse de pouvoir présenter cette délibération aujourd'hui. Juste sur le sérieux, c'est pas Émilie Trigo qui tient le crayon ni l'élu précédent, hein. Il y a des services départementaux et communaux qui travaillent sur cela, et je pense qu'ils le font avec vraiment le plus grand sérieux. Ils ne le font pas un tête en l'air. Il y a des points quand même qui ont été négligés. Les aires de livraison pour certains commerçants, des accès un petit peu compliqués. Enfin, je ne veux pas remettre en question le principe. Je suis pour les mobilités douces, Et je défendrai tous les projets qui seront en capacité d'améliorer pour les citoyens, pour les Bagnoletais, ce type de solution. C'est tout. Si je regarde un peu les plans qui nous ont été proposés en termes d'aménagement de circulation pour la rue Marine-Colombier, par exemple, ou pour d'autres, voilà, j'aimerais voir la mise en place de ces propositions qui me paraissent un peu compliquées. Mais encore une fois, voilà, j'attire votre attention sur la nécessité d'être vigilant. Alors, avant d'entamer les travaux. Mais encore une fois, ce sont les services travaillent avec vigilance, c'est sérieux. Hein. Si vous prenez l'histoire du commerçant, par exemple, il a été reçu par les services. Hein. Donc, après non, même avant. Ah, bien. Non, mais c'est pour ça que c'est un tout petit peu plus compliqué que chacun a sa propre version. Moi, je peux vous assurer que... J'ai pas énoncé de version. Moi non plus, je ne l'ai pas énoncé, mais je pense qu'on parle... Ce n'est pas la peine de le faire, ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien au sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que les services, si vous voulez, quand on dit qu'il faut travailler avec plus de sérieux ou avec plus de vigilance, vous avez raison, je ne peux pas vous dire l'inverse. Mais ce n'est pas l'élu qui tient le crayon, c'est bien les services qui sont derrière. Non, et les services de Bagnolet, comme du département, je pense, ont à cœur de faire évoluer la ville. Maintenant qu'il y ait des choses à améliorer... Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Et on le fera. Pardon, je suis désolée, mais c'est vrai qu'on n'a pas juste fait des choses en 2025. C'est-à-dire que, certes, là aussi, c'était avec le département, mais l'avenue Stalingrad, ça fait longtemps qu'on a tous ensemble été l'inaugurer. Oui, je voulais juste savoir, puisqu'on parle d'un commerce sans le nommer, donc nous resterons dans l'anonymat. A priori, c'est plein de l'aménagement de la piste cyclable qui passe juste devant lui et qui ne lui permet pas de faire des livraisons. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il va y avoir une modification ou pas ? Alors, je vais répondre. D'abord, il a été reçu. Les services se sont déplacés avec M. le maire avant. Il y a eu des entretiens avant. Il y a eu des entretiens, je crois, cette semaine avec ce commerçant ou la semaine dernière, donc après. Et sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas le lieu, je pense, hein, mais il a une aire de livraison. Sauf qu'il a perdu celle de droite et il a maintenant celle de gauche. Donc, si vous voulez aller sur place, vous verrez que les choses sont un peu plus simples, que la situation s'est envenimée très rapidement, mais que les choses sont en train de retomber et il n'a pas forcément la place qu'il espérait. Voilà, je pense, le fin mot de l'histoire. Mais allez discuter avec lui, vous verrez, je ne suis pas loin de la vérité. Madame Félix. Merci, Monsieur Pape. Je devrais me réjouir qu'enfin le plan vélo soit doté à hauteur de 3 322 000 euros pour 3 ans, soit 1 107 par an, dont 20% serait pris en charge par la ville, ce qui fait à peu près 221 000 euros. C'est 10% supérieur à ce qui était inscrit jusqu'ici au plan vélo. Je pose quand même la question du financement des 3,3 millions. La région ne financera que 30 à 40% de l'investissement total. Comment la ville compte-t-elle s'y prendre pour financer les 60 à 70% restants, qui font un total de 2 millions à 2 325 000, et ce qui fait aussi par an 775 000. C'est près du tiers du budget d'investissement de la direction de la voirie et des déplacements. Quand je relis une interview que j'avais donnée en 2024 sur les mobilités à Bagnolet, je retrouve les chiffres suivants pour 2023, par exemple. Au lieu des 200 000 euros qui étaient inscrits au plan vélo, la ville en avait budgété seulement 50 000 et en avait réalisé 25 000. Depuis 6 ans, donc rien de l'ampleur de ce qui est proposé là n'a été fait, faute d'engagement politique du maire et faute de moyens humains et de compétences. Donc là, on nous promet que cela va se faire au prochain mandat. Qui peut croire à cette fable ? On voit bien qu'il s'agit de promesses préélectorales qui n'engagent que ceux qui y croient. En tout état de cause, avant qu'Émilie Trigot réponde, ceux qui ont travaillé et conçu ce document, en l'occurrence le chargé de mission mobilité que tu as recruté à l'époque avec moi et le directeur de la voirie mobilité vont apprécier ta remarque. Bon, je ne vais pas m'étendre très très longtemps. Tu dis que la région n'en financera pas plus de 40%. Nous, et ce qui a été présenté précédemment, c'est que la région n'en financera pas plus de 80%. Donc on va plutôt aller se battre pour obtenir la plus grosse des subventions plutôt que de se se laisser tenter par le moins-disant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. C'est juste, on a été en commission numéro 2, donc on a demandé aux services. Les services nous ont dit que ce n'était pas 80% que la région finance. Ce n'est pas plus. On va aller la chercher, c'est pas plus. On va aller la défendre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, Vincent Doux. Contrat entre la ville et l'éco-organisme Malcom pour la réduction des déchets issus du produit du tabac. Merci. Merci. Donc, pour situer le contexte, les mégots de cigarettes représentent une part importante des déchets présents sur la voie publique et constituent une source majeure de pollution urbaine et environnementale. Et dans le cadre de la loi anti-gaspillage, une économie circulaire AGEC, les producteurs de produits du tabac ont l'obligation de financer la prévention et la gestion de ces déchets via l'éco-organisme Alliance pour la collecte et le recyclage des mégots qu'on appelle Alcom. Et la ville de Bagnoles, qui est engagée dans une démarche de propriété urbaine et transformation écologique de l'espace public, souhaite donc renforcer ses actions de sensibilisation et de lutte contre la pollution liée aux mégots. Et cette convention qui vous est proposée va consister à réduire la présence des mégots dans l'espace public, améliorer la collecte et le traitement des mégots et sensibiliser les usagers, notamment les habitants et les fumeurs, aux impacts environnementaux des mégots. L'idée, c'est d'accompagner la ville dans le déploiement de dispositifs spécifiques, mobilier urbain, communication, avec des cofinancements et les financements de l'Alcom pour installer des sangliers de rue, faire des campagnes de sensibilisation, des opérations de nettoyage et un suivi et une évaluation des actions mises en place, notamment la quantité de mégots collectés et l'évolution sur l'espace public. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Nouvelle dénomination de l'école maternelle Pêche d'Or, Jacqueline Chenavel. Donc, qu'on vient de délibérer de manière rétroactive sur ce sujet. Vous avez des remarques, des observations? Qui est pour? Ah, Mohamed voulait dire un mot? Jacqueline Chenavel. Si. Oui, merci. J'avais déjà eu l'occasion de le dire ici. Hein. Donc, donner l'école à l'école Pêche d'Or le nom de Jacqueline Chenavel, c'est bien plus qu'un hommage. Je l'ai déjà dit ici. C'est un acte politique fort, un geste de mémoire et de fidélité à l'histoire populaire et fraternelle de notre ville. Jacqueline Chenavel fut une mère communiste profondément attachée à Bagnolet, une femme d'engagement et de conviction, une élue du peuple, qu'elle n'a jamais dissocié l'action municipale du combat pour la justice et l'égalité. Elle a porté une conception exigeante du service public, celle d'un outil au service de la dignité humaine, d'un levier pour réduire les inégalités et donner à chacun les moyens de vivre mieux. À l'heure où nous allons commémorer la mémoire du 17 octobre 61, cette date sombre où tant d'Algériens furent massacrés à Paris pour avoir manifesté pacifiquement pour leur indépendance, les anciennes Bagnolais se souviennent encore d'un autre moment, lumineux celui-là. En juillet 62, au lendemain de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, Jacqueline Chenavel avait organisé au Malassi un grand couscous populaire, une fête de la liberté retrouvée, partagée avec la population de Bagnolet. C'était un geste fort, fraternel, profondément humain et politique, celui d'une élue qui savait que la liberté d'un peuple est la victoire de tous les peuples et que la fraternité ne se déclare pas, elle se vit. Cet épisode dit beaucoup de ce qu'était en tant que mère Jacqueline Chenavel, une femme de terrain, proche des habitants, fière de ses valeurs, guidée par un idéal de solidarité concrète et d'internationalisme. Sous sa responsabilité, la ville a continué à construire du logement social, à soutenir les services publics, à développer la culture, l'éducation, la petite enfance. Elle a incarné ce que nous appelons le communisme municipal, une politique du peuple, pour le peuple, enraciné dans la vie quotidienne et tendu vers l'émancipation. Donner son nom à une école, c'est lier la mémoire et l'avenir. C'est dire à nos enfants qu'ils grandissent dans une ville marquée par le courage, la justice et la fraternité. C'est affirmer que la République sociale, celle qui instruit, protège et élève, a encore toute sa place ici à Bagnolet. Jacqueline Chenavel, c'est une certaine idée de Bagnolet, populaire, ouverte, solidaire, combative. En donnant son nom à cette école, nous ne faisons pas qu'honorer une mémoire, nous réaffirmons un héritage, une fierté et un cap, celui d'une ville fidèle à ses valeurs, à ses luttes et à ses habitants. On est tous fiers que Jacqueline Chenavel ait accepté de donner son nom à cet équipement public. Edith Fé. Merci. Bien évidemment, nous sommes tous très heureux de ce choix. Merci, Mo, pour ce portrait que tu nous fais de Jacqueline Chenavel. Et très heureux d'avoir pu partager la cérémonie d'inauguration avec Madame Chenavel elle-même. Elle représente une figure pour la place des femmes en politique. Vous savez, élue dès 1947, maire en 1959 et première femme élue maire en France d'une commune de plus de 30 000 habitants. Elle devient ensuite députée, puis conseillère générale en Seine-Saint-Denis, puis vice-présidente de l'Assemblée générale en 1975. De l'Assemblée nationale, pardon, excusez-moi. C'est une figure inspirante pour les nouvelles générations de bagnoletaises et de bagnoletais qui hésitent à se lancer en politique. Souvenons-nous que c'est à Bagnolet qu'elle a marqué l'histoire. Néanmoins, nous regrettons que le nom Pêche d'Or disparaisse. Encore une fois, l'anthropocentrisme fait son effet et c'est un triple enterrement. D'une part, celui de la nature et de l'écologie, dont manifestement trop de personnes ne veulent pas entendre parler. D'autre part, et ce n'est pas le moindre, c'est priver les enfants d'un nom poétique qui leur parle et qui les fait rêver. Pour les adultes, ce nom parle aussi. La pêche est le symbole de la générosité jouteuse, du partage, du lien avec la terre, du rayonnement coloré du soleil, de l'odeur délicieuse qui évoque le plaisir de tous les sens. Restons les pieds sur terre, nous n'en avons qu'une. Enfin, du passé, ne faisons pas table rase. La pêche d'or fait partie du patrimoine de notre ville. Gardons cette référence aux vergers qui aménagèrent nos coteaux. Donc nous proposons un amendement au texte de la Libération afin que l'école porte le double nom de Jacqueline Chenavel, Pêche d'Or. Bah, on était tous d'accord, je pense, sur la première partie, mais sur la deuxième, non. Donc on va quand même mettre aux voix ton amendement, parce qu'on est des démocrates. Donc, qui est contre cet amendement? Qui est pour? Qui s'abstient? Les décomptes? Rejeté, l'amendement est rejeté. Donc maintenant, on va voter sur la délibération elle-même. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, vous avez voté? J'ai pas tout compris, mais... C'est comme la briquette. Grégoire de la Gannerie, donc toute une série de délibérations sur la santé. Contrat local de santé 25-28, convention avec la préfecture pour le contrat de ville 25, convention 2025 avec l'ARS pour deux actions. Vous vouliez dire un mot, pardon? Juste dire un mot, rien pardon. À rajouter, et Mohamed a très très bien dit les choses, et mieux que je ne pourrais le faire, donc rien à rajouter sur la dénomination en hommage à Jacqueline Chenavel. Par contre, je profite de cette délibération pour réévoquer quand même la question des dénominations de noms d'espaces publics ou d'équipements publics dans notre ville. Oui. Il y avait une commission qui avait été mise en place qui, si ma mémoire est bonne, ne s'est plus réunie depuis 2021. Il y avait des noms qui avaient déjà été identifiés, je crois même antérieurement à cette commission, là aussi, si mes souvenirs sont bons, des grandes figures comme Frantz Fanon ou Aimé Césaire. Et puis, postérieurement, il y a eu un certain nombre de propositions. Je me souviens, je crois, de Gisèle Halimi, portée par notre collègue à l'époque... Raquel Garrido, j'avais moi-même proposé Samuel Paty. Je me souviens que notre ami Mohamed Jenan avait proposé les époux Boudjemed. Et il y a la commission ne s'est plus réunie et on n'a eu aucun droit de suite sur ces propositions. Ouais, le constat est juste. On a privilégié les noms de femmes. Peut-être qu'on pourrait faire une commission... d'ici la fin de l'année, parce qu'on a des centres et on va avoir des centres à dénommer prochainement. Donc autant le faire collectivement, toutes tes bonnes idées. Hein ? Oui, on va demander, on va s'occuper de ça, on va demander à Monsieur Gachet d'organiser ça. Donc, toute une série de délibérations concernant la santé, Grégoire de la Gainerie. Oui, merci Monsieur le maire. 5 ans et demi de mandat, 2 ans et demi de pandémie, des milliers de personnes dépistées ou vaccinées grâce aux opérations organisées par la mairie, une mutuelle municipale bénéficiant à près de 1000 personnes, des journées bagnoletaises de la santé permettant de dépister, informer, soigner les bagnoletaises et les bagnoletais au plus près de chez eux depuis l'année dernière, des actions de sensibilisation comme la bagnoletaise ou de prévention, notamment dans les écoles, sur les soins bucco-dentaires et l'alimentation, ou au centre municipal de santé avec les consultations, bilan de prévention. Une offre de soins renforcée avec 7 médecins généralistes, 10 spécialités représentées, des dentistes, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, travaillant au sein du centre municipal de santé redevenu attractif, notamment grâce à la réforme des contrats des professionnels de santé, à l'investissement dans un panoramique dentaire et un nouvel échographe, et avec des prises de rendez-vous maintenant possibles en ligne via le site internet de la ville. Évidemment, malgré ces actions, il reste encore tant de projets à mener pour lutter contre les inégalités de santé à Bagnolet, renforcer l'accès aux droits et aux soins, nous protéger des pollutions, accompagner les personnes dans la maladie, être enfin à la hauteur des enjeux en termes de prise en charge de la santé mentale. Le contrat local de santé 2025-2028 qui est présenté aujourd'hui au Conseil municipal nous donne des objectifs avec des actions concrètes pour atteindre ces objectifs. Il s'articule autour de 5 axes, accès aux droits et aux soins, périnatalité, santé des enfants et santé des jeunes, prévention et promotion de la santé mentale, prise en charge des maladies chroniques, santé environnementale. Il s'articule autour de 13 fiches actions qui détaillent concrètement les voies et moyens pour atteindre ces objectifs, et notamment les partenariats institutionnels et associatifs que nous pourrions construire. En effet, ce contrat local doit permettre de renforcer nos liens avec nos partenaires dans la réalisation d'actions fortes sur notre territoire pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins. C'est d'ailleurs l'objet des autres délibérations de ce conseil municipal concernant la santé, comme avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui nous permet de financer l'accès gratuit des soins au sein du centre municipal de santé pour les personnes sans droit, ou encore avec l'Agence régionale de santé pour les actions de prévention, notamment en lien avec l'alimentation et la mesure de l'indice de masse corporelle dans les écoles, et la possibilité de bénéficier d'un accompagnement gratuit au sein du centre municipal de santé pour les enfants présentant un surpoids. Et enfin, la convention avec le département finançant les activités de la PMI, qui suit 2/3 des nouveau-nés de Bagnolet, qui relance les bilans auditifs et visuels dans les maternelles et propose de nombreuses consultations, notamment en suivi de psychologique et psychomoteur qui manquent tant aux bagnoletaises et aux bagnoletais. Pour atteindre notre objectif d'améliorer la santé des bagnoletaises et bagnoletais à travers ce contrat local de santé, il faudra s'appuyer évidemment sur le cœur de la politique de santé à Bagnolet, notre centre municipal de santé, en ayant pour objectif de le rendre encore plus attractif, en prenant soin des agents qui y travaillent, en poursuivant son développement par l'investissement à la fois en matériel médical mais également dans les locaux. On parle de reconstruction, mais la priorité c'est le soin et le quotidien des soignants et personnels du centre de santé dont il faut s'occuper maintenant. J'espère d'ailleurs que les ambitions que j'ai, que nous avons pour le centre municipal de santé ne seront pas sacrifiées sur l'autel de la densification urbaine et de l'appât d'une opération immobilière justifiée a posteriori par des années de manque d'investissement dans l'entretien des locaux du CMS actuel. Enfin, au niveau national, les attaques contre notre système solidaire de sécurité sociale se poursuivent. Pour exemple, prenons le budget que présente le gouvernement, sauvé par le Parti socialiste, et qui inclut le doublement des franchises médicales à hauteur de 2,3 milliards d'euros. C'est un effort de 45 euros en moyenne pour les 50 millions de Français qui y sont soumis, mais qui touchera d'abord les plus malades. C'est un nouveau coup porté aux Françaises et aux Français. Plus que jamais, donc, localement, la lutte contre la santé publique, pour la santé publique et contre les inégalités sociales de santé doit continuer. Elle nécessitera la mobilisation de toutes et tous, et je remercie d'ailleurs la direction de la santé pour son travail important dans l'élaboration de ce plan, et également l'Agence régionale de santé et le département pour leurs conseils précieux lors des réunions de travail. À suivre donc, je vous remercie. Merci Grégoire de la Gainerie pour cet éloquent bilan de mandat. Et rendez-vous demain matin à 9h avec le prestataire. On va presque dormir ensemble. Le prestataire pour la reconstruction du CFS 1. On va quoi ? Non. Mais rendez-vous demain pour la réunion avec le prestataire. Il faut être là. Et ensuite, on aura l'occasion de lancer des groupes de travail avec les élus, y compris les élus de l'opposition, qui souhaitent y participer. Alors, délibération 38. CLS, qui est pour ? Mohamed, pardon. 102 000 services de santé, ça nous concerne. Donc, merci pour cette présentation. Il y a à peine un an, nous avons célébré les 50 ans du Centre municipal de santé Elsa Rustin. 50 ans d'un engagement public exemplaire, d'un combat politique et humain pour que chacune et chacun puisse accéder à la santé sans condition de revenu ni de statut. Ce centre n'est pas un service parmi d'autres. C'est un symbole du progrès social, un acteur fondateur du communisme municipal à Bagnolet. À une époque où tant d'habitants renonçaient à se soigner, les élus communistes ont pris une initiative audacieuse, visionnaire, créer un centre de santé municipal financé et animé par la collectivité. C'était un geste politique fort, un acte de solidarité et de dignité, un choix qui a profondément marqué l'histoire de notre ville et qui demeure d'une actualité brûlante. Car aujourd'hui, le constat est alarmant. Les dépenses de santé explosent, les inégalités se creusent et notre département de la Seine-Saint-Denis est le premier désert médical en France. À Bagnolet, un seul chiffre dit l'urgence. Le taux de mortalité infantile est atteint, 5,4% contre 3,5% au niveau national. Ce n'est pas une abstraction statique, c'est la traduction en vie humaine de la fracture sanitaire et sociale qui frappe notre territoire. C'est dans ce contexte que le contrat local de santé 2025-2028 avec nos partenaires nous est présenté. Mais pour que ce contrat soit plus qu'un cadre, il faut un moteur. Et ce moteur, c'est le Centre municipal de santé. Il doit redevenir le cœur battant du dispositif local, le point d'appui d'un maillage territorial solide reliant médecins, associations, écoles, structures sociales, services municipaux et habitants. Un maillage capable de répondre aux besoins concrets de la population, d'accompagner chaque parcours de santé, de prévenir avant de guérir. La reconstruction du centre de santé n'est donc pas un simple projet immobilier. Nous serons attentifs et vigilants au projet. Pour nous, c'est un projet politique, une manière de redonner souffle à la santé publique, de réaffirmer que la puissance publique peut et doit agir pour l'égalité. C'est dans cet esprit que nous poursuivons l'héritage de celles et ceux qui, il y a 50 ans, ont osé inventer un service public de santé locale, solidaire, proche des gens. Aujourd'hui, nous affirmons cette même volonté. Construire à Bagnolet une politique de santé qui permette à chaque bagnoletaise et à chaque bagnoletais de se soigner sans obstacle, sans renoncement, sans délai. Une politique de santé qui redonne confiance, qui protège, qui libère. Une politique de santé à la hauteur de notre idéal républicain, celui d'une ville où l'on vit mieux, plus dignement et ensemble. Merci. Merci. Mohamed, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Donc, délibération concernant le contrat local de santé. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Convention avec la préfecture pour le contrat de ville. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Convention 2025 avec l'ARS pour deux actions équilibre nutritionnel et santé des femmes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Convention avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour les activités de PMI. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 42, engagement triennal de la collectivité avec l'IREMO. Choki Haddad. Yes, merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors, il y a deux ans, nous posions ensemble les bases d'un jalon fort pour l'avenir de la jeunesse de Bagnolet à travers le projet Mouftah Laclé, conduit par la ville en partenariat étroit avec l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, l'IREMO, avec le soutien de l'Agence française de développement, l'AFD, avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis et de nombreux autres acteurs institutionnels. Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche ambitieuse, continue de faire vivre à Bagnolet une expérience unique de formation, d'échange et d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, nous en voyons pleinement les fruits. Tout au long de cette deuxième année, ce projet a permis à 30 jeunes issus des centres socioculturels de notre ville de s'engager dans un parcours complet mêlant apprentissage, réflexion et une véritable ouverture sur le monde. Ils ont participé à de nombreux ateliers animés par des chercheurs, des enseignants, des intervenants de l'IREMO autour des thématiques telles que la compréhension des enjeux contemporains dans la zone Méditerranée-Moyen-Orient, la découverte des cultures, des langues et des sociétés de cette région, la réflexion sur les questions de citoyenneté, d'identité et de dialogue interculturel. Ces jeunes ont pu approfondir leur compréhension du monde et leur capacité à analyser, à débattre, à construire un regard critique sur les grandes questions internationales. Ce projet ne s'est pas limité à la jeunesse seule de notre ville. Cette année encore, des sessions de formation dédiées aux animateurs et agents municipaux ont été organisées afin de renforcer leur rôle d'accompagnement et leur compréhension des enjeux portés par ce projet. En parallèle, une série de conférences-débats ouvertes au public a rythmé l'année, réunissant chercheurs, experts, citoyens autour des grandes questions et des grands défis du monde vis-à-vis de la zone Méditerranée-Moyen-Orient. Il s'agissait de moments d'échange particulièrement riches qui ont permis de faire rayonner notre ville bien au-delà de son territoire. Et dans les semaines prochaines, les semaines qui vont arriver, les 30 jeunes du premier groupe s'envoleront pour la Jordanie, une étape essentielle de leur parcours dans le cadre de ce projet. Et ce séjour constitue à la fois un temps de formation et d'immersion, et une formidable occasion de rencontrer d'autres jeunes, d'autres réalités, d'autres horizons. À leur retour, ils assureront eux-mêmes la restitution publique de leur expérience, sous forme de vidéos, de conférences, de débats ou d'expositions, avant de passer le relais au second groupe de 30 jeunes qui prendra part à la suite du projet. Ainsi, le projet touche au total 60 jeunes bagnoletais qui deviennent, chacun à leur manière, des ambassadeurs du dialogue, de la curiosité, de la compréhension mutuelle. L'enjeu ce soir est donc de permettre à la ville de verser la troisième et dernière tranche de subvention municipale de 10 000 euros, conformément à l'engagement initialement pris par la collectivité il y a 2 ans. Cette dernière enveloppe est indispensable pour assurer le bon déroulement du séjour et la restitution qui en découlera, mais aussi pour garantir la continuité du projet. Pour garantir la continuité du projet avec le second groupe de 30 jeunes dont le parcours débutera prochainement et se déploiera tout au long de l'année à venir. Je rappelle d'ailleurs le principe fondamental du projet, ce sont les jeunes eux-mêmes qui en sont les véritables acteurs. Ils définiront collectivement la prochaine destination du séjour ainsi que les grandes orientations des conférences et débats à venir, poursuivant ainsi une dynamique d'émancipation et d'ouverture sur le monde. Mais au-delà de cette subvention, c'est un véritable investissement dans l'avenir que nous poursuivons, un investissement vers la jeunesse, avec l'éducation et la citoyenneté et la solidarité internationale, et dans le dialogue entre les rives de la Méditerranée. Grâce à ce projet, de nombreuses portes s'ouvrent pour ces jeunes, avec des opportunités sur la mobilité, sur la culture, sur la connaissance, mais aussi sur la transmission, sur la confiance et sur l'engagement. En soutenant ce projet, Bagnolet affirme une fois encore qu'elle croit en sa jeunesse et en sa capacité à comprendre le monde pour mieux le transformer. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Pas de remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Engagement avec le RCDP. Choki Haddad. Yes, merci encore. Du coup, nous examinons aujourd'hui une délibération essentielle qui vise à engager notre ville dans une nouvelle étape de son engagement vers la jeunesse à travers le projet GEREST 3, porté par le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine. Ce projet, il est mené en étroite collaboration avec de nombreuses collectivités territoriales françaises et avec le soutien notamment du ministère des Affaires étrangères, et il s'inscrit dans la continuité du partenariat que Bagnolet a soutenu et souscrit depuis 2022. Après notre engagement à hauteur de 2 000 euros annuels dans le cadre du projet précédent GEREST 2 sur 3 ans, donc de 2022 à 2024, il est aujourd'hui proposé de renforcer notre contribution de 50 euros, soit 3 000 euros par an, pour un total de 9 000 euros sur les 3 prochaines années, afin d'accompagner ce nouveau cycle d'action et de solidarité. Le projet GEREST 3, il s'inscrit pour autant dans un contexte particulièrement difficile. Je rappelle qu'en novembre 2024, les locaux du centre de quartier Al-Boustan, situé dans le quartier Silwan, en plein cœur de Jérusalem-Est, ont été détruits par les autorités israéliennes, frappant ainsi de plein fouet le travail de terrain réalisé depuis de nombreuses années par nos partenaires. Cette destruction, qui s'ajoute à une longue série d'entraves et de pressions sur les structures locales palestiniennes, a impacté considérablement des initiatives pourtant pacifiques, éducatives et citoyennes. Et face à cette situation, les collectivités engagées dans le projet, notamment au RCDP, ont souhaité apporter leur soutien financier à la reconstruction du centre. Et cette démarche concrète fera d'ailleurs l'objet de la prochaine délibération là, qui sera présentée juste après. Pour autant, malgré cette épreuve, nos partenaires locaux n'ont pas cédé. Ils ont reconstruit autrement, continué leurs activités, maintenu les ateliers pour les enfants, pour les femmes et pour les jeunes du quartier, et ils ont aussi fait preuve d'une résilience admirable. C'est cette force, cette ténacité, cette dignité face à l'adversité que nous choisissons aujourd'hui de soutenir à travers notre engagement renouvelé. Et donc, le projet GERAST 3 poursuivra le travail engagé avec le centre de quartier sur place autour de plusieurs axes, notamment le soutien à la jeunesse, aux initiatives citoyennes locales, la promotion des droits humains et de l'égalité, la coopération entre les villes françaises et les territoires palestiniens dans le cadre du RCDP. Plusieurs autres collectivités françaises sont déjà engagées dans cette nouvelle phase et, comme lors des précédents projets, chaque ville désignera des jeunes ambassadeurs chargés de maintenir le lien entre nos territoires et la jeunesse palestinienne. Et Bagnolet, évidemment, y prendra pleinement part, fidèle à son histoire et à ses valeurs de solidarité internationale. Notre contribution, bien que modeste sur le plan financier, est d'une portée symbolique et politique considérable. Elle exprime un message clair. À Bagnolet, on refuse l'effacement, la résignation ou le silence face à l'injustice. On affirme notre attachement au droit, à la dignité humaine et à la paix fondée sur l'égalité entre les peuples. En soutenant ce projet, nous affirmons aussi notre foi dans la coopération décentralisée, cette diplomatie des territoires humaine et concrète qui relie les peuples via les collectivités locales au-delà des frontières, là où parfois, bien souvent même, les gouvernements échouent trop souvent à dialoguer. Je tiens à saluer tout l'enthousiasme et la mobilisation de notre jeunesse bagnoletaise qui s'intéresse de plus en plus à la cause palestinienne et à la question des droits humains dans le monde. À travers des projets comme celui-ci, nos jeunes deviennent acteurs de la solidarité internationale, passeurs de mémoire et bâtisseurs d'un monde plus juste. Et en votant ce soir l'adhésion de Bagnolet à ce projet et l'augmentation de notre contribution, nous faisons plus que financer un projet, nous posons un acte politique fort, un acte de fidélité à nos valeurs et à notre histoire. Malgré la destruction du centre Al-Boustan, malgré les obstacles et les injustices, la vie continue dans le quartier sur place à Silouane. Nos partenaires y maintiennent la flamme de la culture, de l'éducation et de la dignité. Et à Bagnolet, nous serons à leur côté aujourd'hui, demain et tant qu'il le faudra. Et comme toujours, j'adresse mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des agents du service jeunesse et vie sociale des quartiers, ainsi qu'aux équipes des 5 centres socioculturels de la ville, pour leur implication constante dans ce projet essentiel et plus largement dans toutes les actions impliquant nos centres de quartier. Leur travail, souvent discret mais toujours décisif, fait vivre au quotidien les valeurs que nous défendons ici, la solidarité, l'éducation, la transmission et l'ouverture aux autres. Ce sont elles et eux qui, par leur présence auprès des jeunes, leur écoute et leur engagement, donnent un sens concret à notre action. Et grâce à leur énergie, ces projets ne sont pas de simples engagements symboliques, ils deviennent des expériences humaines, formatrices, transformatrices pour certaines, qui relient Bagnolet au reste du monde par des liens de compréhension, de respect et d'espoir partagé. Et enfin, je conclurai en citant Nelson Mandela, dont les paroles continuent d'inspirer toutes celles et ceux qui croient en la dignité humaine et en la liberté des peuples. Il disait « La solidarité avec le peuple palestinien est un devoir moral ». Ces mots nous rappellent que la lutte du peuple palestinien n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans le combat universel pour la justice, la liberté, l'égalité entre tous les êtres humains. Alors restons fidèles à ce devoir, soutenons celles et ceux qui, même au cœur de l'adversité, continuent de bâtir des ponts, à éduquer, à espérer. Je vous remercie. Donc rendez-vous demain au rassemblement de 19h organisé par le Parti communiste français devant la mairie en solidarité avec le peuple palestinien. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Donc la dernière délibération concerne une subvention exceptionnelle pour la reconstruction du centre Al-Boustan à Silouane. Donc c'est porté par la ville de Gennevilliers. Il s'agit de verser et de contribuer à la reconstruction de ce centre qui a été démoli et d'attribuer la subvention à la ville de Gennevilliers, puisque c'est une initiative de Patrice Leclerc. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, pardon, ah ben, je vais trop vite. Ah. Vas-y. Ben oui, on peut pas ne rien dire quand même. Non. Alors oui, nous voterons cette subvention et nous le ferons avec conviction, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un vote d'une subvention, mais d'un acte politique, moral et fort. Soutenir le centre social Al-Boustan à Jérusalem-Est, c'est affirmer notre solidarité avec le peuple palestinien, c'est rester fidèle à nos valeurs de justice, d'égalité et de paix. Le centre Al-Boustan a été détruit par les autorités d'occupation israélienne, dans un contexte de violence, de répression et de dépossession qui s'abat sur les Palestiniens depuis des décennies. Ce n'est pas un accident ni un drame isolé. C'est le résultat d'une politique systématique de colonisation, d'expulsion et d'apartheid. Et nous le disons clairement, ce qui se déroule sous les yeux, c'est un génocide. Des familles entières décimées, des quartiers rasés, des enfants privés d'école, d'avenir et d'espoir. Pendant ce temps, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou poursuit une politique de haine et de guerre totale, bafouant le droit international, la dignité humaine et les valeurs mêmes de la démocratie. Face à cela, le silence est une faute, la neutralité une forme de complicité. Nous ne pouvons pas détourner le regard et ne nous contenter de mots creux quand le peuple entier est écrasé sous les bombes et la colonisation. En votant cette subvention, nous faisons bien plus que soutenir la reconstruction d'un bâtiment, nous participons à la reconstruction d'un espace de vie, de dignité et de résistance. Nous affirmons que la solidarité internationale n'est pas un slogan, mais une exigence vivante au cœur de notre engagement municipal et républicain. Et cette exigence bagnolait la porte depuis longtemps. Notre ville a une histoire, celle de la solidarité avec les peuples en lutte, avec les opprimés, avec celles et ceux qui résistent à l'injustice. De la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, à la défense du peuple chilien, du soutien au peuple opprimé en lutte, à celui des Palestiniens, Bagnolet a toujours été du côté de la dignité humaine. C'est une part de notre identité, de notre honneur collectif. Alors aujourd'hui encore, nous choisissons la fidélité à cette histoire. Nous choisissons de dire haut et d'affirmer fin immédiate de la colonisation et de l'occupation, levée du blocus de Gaza, fin du régime d'apartheid et sanctions internationales contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou tant qu'il continuera à piétiner le droit international et les droits humains fondamentaux. Notre responsabilité d'élu, c'est de dire les choses clairement. Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de sécurité sans égalité des droits, pas d'avenir sans la fin de la colonisation. Alors oui, nous voterons cette subvention, et nous le faisons au nom de la justice, de la paix et de la dignité humaine. Parce que défendre le peuple palestinien, c'est défendre le droit, la République et l'humanité tout entière. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je...